L'Espagne, eh ben, c'était l'année dernière qu'on a fêté ce que certains appellent la retirada, on pourra en discuter, il y en a qui continuent à dire l'exil. Le terme retirada est apparu il y a une trentaine d'années, puis avant, moi, quand j'étais jeune, personne ne parlait de retirada. Ça a été fêté l'année dernière, enfin fêté, commémoré, parce que fêter un truc pareil, c'est quand même difficile. Donc, on a juste 2 mois de retard pour la commémoration, mais ce n'est pas grave, c'est, les commémorations, c'est, ça peut se faire tout le temps. Donc, on est heureux de recevoir Maëlle Mongendre, qui est l'auteur de, enfin, qui a travaillé sur ce sujet pas mal. D'abord, il y a un camp qui s'appelle le camp du Vernet, c'est dans l'Ariège, je crois. Donc, ça, c'était pour ton master, et tu as passé à Bordeaux, je crois, si j'ai bien vu. Et puis après, elle a fait une thèse sur aussi les réfugiés espagnols. Donc ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Ça, c'était à Toulouse, il y a quelques années, en 2000... Enfin, le bouquin de 2019 et la thèse 2013. Exact. C'est ça. Voilà. Donc le titre du livre, je crois que c'est... Non, c'est pas tout à fait pareil. La thèse, elle s'appelait « Les réfugiés espagnols en France, 39-42, des femmes entre assujettissement et résistance ». Après, tu nous diras... le travail qu'il a fallu faire pour passer de la thèse à un bouquin. Donc ça, c'est l'université de... Tu l'as passé à Toulouse, mais c'est l'université de Tours qui l'a publié. Ouais. Parce qu'à Toulouse, je ne sais pas s'il ne voulait pas, tu me diras aussi. Donc tu es historienne, mais bon, tu es pour gagner ta coupe, tu es professeur documentaliste dans la région parisienne. Ça coûte comme on peut, historien, ça peut-être pas. Tu nous diras. Et puis, tu as écrit divers articles. Ben, Reynard qui a fouillé, qui est très malin, il nous a trouvé un livre collectif dans lequel tu as participé aussi. Il va y avoir des articles de revue. Et quoi dire d'autre? Si tu as fait un film, alors ça, je ne sais pas si on l'a, on aimerait bien l'avoir. Ah oui. Un film documentaire, c'est le portrait de 2 anarchistes espagnols. Qui est sorti en quelques années. Ouais, il y a quelques années. Voilà. Je l'ai noté quelque part, on s'en fout. Et sinon, bon, tu es tombé dans l'anarchisme, tu étais petite parce qu'on connaît ses parents qui étaient dans le milieu. Et on les salue, ils sont loin, mais c'est Gérard et Geneviève. Alors, à toi la parole. Merci. Donc, elle présente son bouquin pendant 1h, 1h15, et après la parole est à vous. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont un rapport familial avec cette histoire. Et donc, on attend vos réactions et vos commentaires. Merci au CIRA pour l'invitation. J'ai failli venir en décembre et j'ai un peu décalé. Désolé. On s'est débrouillé. J'ai une formation d'historienne. Alors j'ai fait le choix de ne pas poursuivre à la fac. Hein. C'était pas du tout. J'ai fait l'inverse. En fait, c'est un choix politique d'aller dans le secondaire et de refuser l'université. Enfin, c'est pas. Bon, déjà, je pense qu'ils m'auraient pas accepté par ailleurs, mais de toute façon, j'ai pas essayé. J'avais pas très envie de bosser à la fac. J'ai commencé à réfléchir aux réfugiés espagnols en fait dans le cadre de mon master que j'ai fait à Bordeaux sous la direction de François Godichaud, donc qui a beaucoup travaillé autour de la guerre d'Espagne. Et en fait, j'ai travaillé sur un camp, donc le camp du Vernet, qui était le camp dans lequel ont été internés la majorité des anarchistes espagnols, en tout cas ceux qui étaient dans la 26e division, dite la division d'Urruti. Voilà. Et dans le cadre de cette recherche-là sur le camp du Vernet, en fait, je me suis rendu compte qu'on parlait très peu des femmes et qu'on savait peu de choses en fait sur elles, alors que pour le coup, alors autant j'ai rencontré des hommes d'anciens réfugiés que j'ai pu interviewer, et ce qui m'a donné l'idée de faire le film avec un ami sur en effet 2 anarchistes, mais qui ont eu des trajectoires différentes à partir du moment où ils sont arrivés en France. Mais en fait, je me suis surtout rendu compte qu'il restait encore beaucoup de femmes qui avaient vécu la traversée de la frontière, mais qu'en fait il y avait très très peu d'informations sur elles. Et donc c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre mon travail de recherche en fait, et donc j'ai consacré ma thèse à ces femmes-là, dont on sait très peu de choses. Voilà. Et en fait ça a été un peu la problématique de ma recherche concrètement, d'essayer de comprendre un peu ce que le genre faisait à la prise en charge étatique, parce que du coup moi j'ai vraiment travaillé sur comment les femmes ont été prises en charge entre guillemets par les autorités françaises à partir du moment où elles traversent la frontière, et plus précisément au moment de la retirada, donc c'est-à-dire du plus gros exode, donc à partir de janvier 1931. En gros, ce qui m'intéressait, c'est de savoir être une femme dans le cadre de l'Exode, en fait, qu'est-ce que ça change? Quelles sont les implications que ça a? Comment une femme vit ça? Et comment les autorités françaises les prennent en charge? Donc juste pour repréciser un peu, pour qu'on parle tous de la même chose, donc ce que j'entends par genre, c'est les rapports sociaux de sexe, c'est-à-dire clairement les incidences de notre sexe biologique, hein, sur les représentations et sur notre vie sociale. Donc voilà, qu'est-ce que le fait d'être femme fait quand on est réfugié? Et clairement, dans ma thèse, ça a été un outil pour penser les rapports de domination homme-femme et donc les rapports de domination aussi entre accueillants et accueillis. Voilà. Au-delà des rapports évidents de pouvoir, hein, qui se sont joués à l'époque. Du coup, ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, en fait, je vais vous refaire le squelette un peu chronologique de ce qui est arrivé à ces femmes, concrètement entre 1939 et 1942, parce qu'il y a des femmes qui sont arrivées à partir de 1936-1937, mais moi, j'ai pas travaillé sur ces contingents-là, parce qu'ils étaient moins importants, et qu'il n'y avait pas le dispositif coercitif d'encadrement, en fait, étatique à ce moment-là. Jusqu'en 1942, alors pourquoi 42? C'est aussi parce qu'en fait, c'est vraiment le rapport entre l'État et les réfugiés qui m'a intéressée. Et à partir de 1942, la majorité des femmes, en fait, soit elles sont reparties de France, soit en fait, elles sont plus ou moins autonomes, c'est-à-dire qu'elles ont soit trouvé du travail, en tout cas, elles sont plus sous la tutelle administrative de la France. Donc voilà, moi je me suis vraiment focalisée sur ces trois années-là. Sachant que si la question des femmes entre 1936 et 1939 vous intéresse, il y a une thèse qui a été faite, alors il y a un moment, par une des pionnières de la recherche sur ces questions-là qui s'appelle Janine Sodigny-Rousteau, et elle, en fait, elle a fait une thèse sur, alors elle a pris l'exemple de la région centre, mais voilà, il y a vraiment tout le détail de ce qui leur est arrivé à ces femmes, enfin plus généralement aux civils, en fait, donc aux femmes et aux enfants, dans la région centre entre 1936 et 1937. Je pourrais vous redonner les références. Donc pour préciser, en effet, au niveau de l'exode espagnol, en fait, il y a plusieurs arrivées avant 1939, au moment, en fait, de tous les combats qui se passent sur le front espagnol. Donc il y a dès 1936 une arrivée quand il y a le Pays Basque qui se fait attaquer. Il y a la campagne du Nord aussi en octobre 37 qui ramène des premières vagues de réfugiés, et l'Aragon au printemps 1938, et ça correspond à peu près à 160 000 personnes. Et la majorité du temps, en fait, ce sont des personnes qui restent quelques semaines à plusieurs mois sur le territoire français, et ensuite qui se font renvoyer en Espagne avec la possibilité de choisir leur camp, c'est-à-dire soit ils vont du côté républicain, soit ils vont du côté franquiste, parce qu'il y a encore la possibilité de les envoyer sur deux fronts différents. Voilà. Au moment, en fait, où du coup le Barcelone va tomber aux mains de franquistes, donc à la fin de janvier 1939, ça va être le début donc de cette retirada, donc de cet énorme exode qui va conduire à peu près un demi-million de réfugiés espagnols en France en quelques semaines. Et en fait, à ce moment-là, on est dans un cadre politique qui est extrêmement restrictif. Le gouvernement d'Aladier, en fait, il fait le choix de ce qu'on va appeler l'asile récalcitrant. C'est-à-dire que concrètement, il fait tout pour ne pas accueillir les réfugiés. C'est-à-dire qu'il va proposer au gouvernement, il va y avoir différentes discussions, va être proposé différentes possibilités d'accueil, en fait. Alors ça va de on réquisitionne une île pour tous les mettre sur une île comme on a fait en Australie, enfin c'est des propositions totalement improbables, à la possibilité d'avoir une poche à la frontière pyrénéenne, en fait, où on va qui serait une poche un peu sauvegardée, en fait, et non bombardée, où on pourrait mettre tous les réfugiés, mais clairement ça ne tient pas. Et en fait, du coup, le gouvernement va finalement ne pas avoir le choix et va être obligé, en fait, d'ouvrir les frontières parce qu'il y a une énorme pression, en fait. Barcelone tombe aux mains des franquistes le 26 janvier 1939, et dès le 27 janvier, en fait, il y a énormément de réfugiés qui débarquent à pied, en camion, comme ils peuvent, à la frontière. Et donc, en fait, il va y avoir une prise en charge qui directement va être extrêmement contrôlée, extrêmement coercitive et militarisée, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir le choix, et en fait, ça va être un premier choix qui va être genré. Et pour moi, en fait, l'accueil des réfugiés espagnols, de base, il est fondé sur une question de genre. C'est-à-dire qu'on va permettre aux femmes et aux enfants, en fait, toutes les populations qu'on va considérer comme faibles, en fait, comme non dangereuses, on va leur permettre de passer la frontière avant. C'est-à-dire que la frontière, elle ouvre fin janvier pour ces personnes-là, donc on fait passer les blessés et les civils, donc les femmes et les enfants. Et en fait, la frontière, les soldats n'ont pas le droit de passer. Et c'est même pas tant les soldats, c'est tous ceux qui sont, tous les hommes qui sont en âge de porter des armes. C'est-à-dire que les réfugiés, même à 18 ans, même s'ils n'ont jamais tenu d'armes, en fait, s'ils ont plus de 16 ans, en fait, on ne les fait pas passer. Donc il y a une première violence étatique qui correspond à une séparation, en fait, de genre à la frontière. Donc il y a des familles entières qui vont être séparées. Et en fait, il va y avoir donc cette prise en charge extrêmement restrictive qui se base légalement sur un décret-loi qui date du 12 novembre 1938 et qui est un décret-loi en fait qui va mettre en place l'internement administratif, c'est-à-dire qu'en fait toutes les personnes qui vont être considérées, et pas que les Espagnols, mais pour le coup c'est les Espagnols qui en font les frais les premiers, toutes les personnes qui vont sur le sol français être considérées comme étant suspectées de pouvoir porter atteinte à l'ordre public vont être internées. Et donc en fait c'est vraiment un internement administratif, c'est-à-dire qu'en fait ça se base sur aucune procédure judiciaire, donc pam, on considère que vous risquez de porter atteinte à la sécurité de l'État, en fait on vous met dans un camp. Et le premier camp qui va exister à ce moment-là, ça va être du coup pour les brigadistes internationaux qui eux vont être petit à petit et avant la chute de Barcelone rapatriés en France en fait, et il va être créé, c'est le camp du Rio Cros en Lozère, qui ensuite va devenir un camp de femmes. Donc moi je vais vous en reparler, et en fait il est créé en janvier, début janvier 1939 pour mettre donc des personnes anarchistes, communistes, etc. en fait qui vont être internées sans raison valable. Donc en fait le passage de la frontière il se fait de manière extrêmement chaotique parce que les autorités françaises en fait n'ont rien préparé, c'est-à-dire que les seules choses qui sont préparées ce sont des barrages militaires. En fait il y a eu énormément de forces donc militaires et policières qui sont convoyées sur la frontière essentiellement au niveau des Pyrénées-Orientales parce que c'est là que le gros des troupes vont passer. Et en fait, au niveau après, il y a très peu de choses qui sont préparées matériellement. Donc c'est vraiment... en fait, les autorités françaises se font déborder. C'est-à-dire qu'il y a des émissaires en Espagne qui leur disent, en fait, ça va arriver par milliers. Et en fait, le gouvernement fait un peu la sourde oreille. Il va se justifier après en disant, mais en fait, si on avait préparé les choses, ça aurait incité les Espagnols à venir. Donc valait mieux qu'on ne prépare rien. Comme ça, voilà, ça leur montrait qu'on ne les acceptait pas. Petite parenthèse par ailleurs, ce que je vais faire, c'est que j'ai interviewé beaucoup de femmes réfugiées. Et en fait, du coup, je vais agrémenter mes petites explications de témoignages. Je pense que ce sera le mieux pour illustrer un peu mes propos. Donc là, je vous lis le témoignage de Sarah Berenguer, qui est quand même une anarchiste très connue, qui me raconte en fait son arrivée du coup à la frontière. Donc elle dit « Quand je suis sortie de Barcelone, c'était le 25 janvier, nous avons marché pendant 3 jours et 3 nuits jusqu'à arriver à la Jonquera. Nous avons passé une nuit là-bas. Et le lendemain, jamais de la vie on ne pensait entrer en France. Mais tout le monde passait, militaires, tanks, camions, tout le monde disait « les fascistes sont déjà rentrés à Barcelone, on ne peut pas aller en arrière ». Alors on a décidé de rentrer en France, mais on ne savait pas où on allait aboutir. On est allé au Pertus, mais on ne savait pas qu'on allait là parce qu'on ne connaissait pas la géographie française. Nous étions 21 camarades, il y en avait une qui avait un bébé qui s'appelait Germinal, qui n'avait que 8 ou 9 mois, je ne sais pas. Alors on lui a servi de berceau, chacune son tour. On a passé toute la nuit en marchant au bord de la route. De temps en temps, on s'appelait, on était en file indienne pour ne pas se perdre, parce qu'on n'y voyait pas. On croyait qu'on était tout seul. Et quand le jour s'est levé, on a vu qu'il y avait du monde, du monde, du monde. Et les autres, ils allaient aussi doucement que nous. Jusqu'à la tombée de la nuit, on n'a pas ouvert les frontières. Et à ce moment-là, à la tombée de la nuit, au Pertus, on a passé la frontière. Quand on est passé de l'autre côté, on s'est dit « Ouf, on est libéré au moins des fascistes et des bombes. » Et on s'est assis par terre, parce que c'était tard dans la nuit déjà. Alors, au niveau des chiffres concrets, donc on parle, il n'y a pas de comptabilité précise, en fait, tout le monde parle de 2 millions de personnes, on dit 475 000, enfin voilà, c'est à peu près ça. Au niveau des chiffres que moi j'ai pu retrouver sur les civils et sur les femmes, c'est encore plus flou, parce qu'évidemment, autant la police a fait son travail, mais elle a fait son travail de surveillance et de comptabilité vis-à-vis des personnes qu'elle craignait, donc les femmes ne rentraient pas dans ce cadre-là. Mais on considère qu'il y a environ 210 000 civils qui ont passé la frontière en 2 à 3 semaines, dont, moi, je suis plutôt sur environ 90 000 femmes, concrètement. Et donc, comme je vous disais, la première distinction de genre qu'on observe, en fait, c'est vraiment la séparation à la frontière. Alors, pour ça, je vais vous lire le témoignage de Rose, une autre réfugiée qui passe la frontière. Elle est, c'est une jeune adulte, elle a une vingtaine d'années. Et elle dit, mon père, puisqu'on laissait passer que les femmes et les enfants, mon père m'a dit, écoute Rose, occupe-toi surtout de ta mère et de Pilar, ne les laisse pas, et demain matin, viens. Demain matin, on ouvrira les portes de la frontière, on laissera passer tout le monde. Donc demain matin, de bonne heure, sois ici, et quand ils vont laisser passer tout le monde, tu surveilles, puis bon, on se retrouvera. Après, on ne se quittera plus. Malheureusement, moi, le lendemain matin, j'ai fait comme ça, j'étais au pied de la frontière, je surveillais, et j'ai pas vu mon père. Et l'après-midi, en début d'après-midi, les gendarmes sont venus, ils nous ont pris. Alors Rose, par exemple, elle ne reverra jamais son père, parce que son père, il va être ensuite embauché en compagnie de travailleurs étrangers, et en fait, il va mourir exploité, et en fait, elle ne le reverra jamais, et je pense que c'est loin d'être la seule. Voilà. Du coup, ce qui se passe pour les femmes qui passent là en 2-3 semaines, en fait, c'est qu'on va aller... donc, je ne vous voyais pas très très bien, mais je vais vous détailler un petit peu, en fait. Là, si vous voulez, on a la frontière avec le département des Pyrénées-Orientales et donc de l'Espagne, et en fait, il va y avoir des espaces de transit qui vont être créés, C'est-à-dire qu'il y a des points de passage qui sont les là où c'est encadré en rouge. Vous voyez, je maîtrise extrêmement bien mes PowerPoints, j'ai fait des super dessins. Et donc, il y a le point de passage, en fait, on a les plus gros, donc le plus gros passage, c'est Opertus à la Junquera. Là. Il y a 150 000 personnes qui passent environ. À Cerbère, 140 000. À Prats de Moyo, il y en a 100 000. Et vers la Tour de Carole, puis Cerda pour Madame, il y en a 40 000. Et en fait, il y a différents types d'espaces qui vont être utilisés, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois des camps de concentration, qui sont vraiment les termes qui sont utilisés à l'époque, hein, par les autorités françaises. Le ministère de l'Intérieur dit lui-même, en fait, on va créer des camps de concentration pour concentrer les Espagnols. Donc, il n'y a pas du tout l'idée de l'extermination, hein, comme il peut y avoir avec les nazis, même si les conditions font que, de toute façon, il va y avoir quand même énormément de décès. Mais en fait, l'idée, c'est de concentrer dans un même endroit des personnes qui sont considérées comme dangereuses. Et ces camps-là, les camps du Barcarès, de Saint-Cyprien, d'Argelès-sur-Mer, qui sont les premiers à être montés, sont des camps masculins. Alors, il va y avoir des femmes à Argelès, il va y avoir des femmes au Barcarès, mais par erreur. En fait, c'est-à-dire que, vu que les autorités françaises sont totalement débordées, en fait, des femmes vont se retrouver là-bas. Mais au fur et à mesure, elles vont être envoyées dans ce qu'on va appeler des centres d'hébergement, dont je vous parlais tout à l'heure. Il va aussi y avoir des camps provisoires, en fait, en attendant, parce que donc, les autorités françaises sont débordées, et des centres de recueil. Alors, les centres de recueil, en fait, c'est un peu spécifique. Et là encore, il y a un traitement genré. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, on va mettre les femmes et les enfants dans des écoles qui vont être réquisitionnées, des salles des fêtes. On parle de bled. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ces espaces frontaliers, mais les populations sont complètement débordées. Mais en fait, dans la mesure du possible, on met les femmes et les enfants à couvert, alors que les hommes, eux, vont être mis dans des champs à ciel ouvert, en fait. Donc, ils vont rester des semaines dans la neige, avec des fils barbelés autour d'eux, en attendant qu'en fait, que eux-mêmes construisent les camps sur la plage, parce qu'au final, c'est eux qui monteront les baraquements, sur les plages du Roussillon. Donc, c'est vraiment des moments où, en fait, où ils sont tous, où les autorités françaises sont totalement débordées. Donc, il y a un premier espace, comme ça, de transit qui va être mis en place. Et en fait, avant, pour les civils, la dispersion en train. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, et ça existe dès 1937, c'est qu'en fait, le gouvernement français, via les préfectures, en fait, va demander aux préfets de réquisitionner et de recenser tous les espaces en France susceptibles de pouvoir accueillir des réfugiés espagnols. Et donc, en fait, il va y avoir des départements de correspondance qui vont être mis en place dans toute la France. Il y en a une trentaine en 1937 et il y en a plus de 70 en 1939. C'est-à-dire qu'en 1939, concrètement, mis à part la frontière allemande et la frontière italienne, tous les départements, et la région parisienne, tous les départements vont être concernés de près ou de loin par l'arrivée des civils espagnols. Et donc, en fait, il va y avoir des recensements qui vont être faits dès 1937 avec les autorités municipales sont plus ou moins d'accord pour accueillir les réfugiés espagnols, et ça dépend clairement de la couleur politique de la municipalité en place. Et en fait, il va y avoir donc des recensements, et au fur et à mesure, en fait, les femmes et les enfants vont être envoyés via la Tour de Carole et via Arles-sur-Tech, en fait, vers donc, les départements de correspondance. Donc on en a... alors là, je vous en ai mis quelques-uns. Mais il y en a des centaines, sachant que moi j'ai retrouvé aux archives départementales et aux archives nationales la trace de 45 convois, mais il y en a beaucoup plus que ça, en fait, mais sauf que les archives sont parcellaires. Là je vous ai mis 15 convois sur 45 pour vous donner un peu une idée de là où les réfugiés vont. Donc il y a Évreux, Rouen, Draguignan, Orléans, Toulouse, Pau, Besançon, Mâcon, Châteauroux, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Limoges, Poitiers, Rennes, Quimper, Albi, Chartres, Blois, Agen, enfin bon, ils vont vraiment partout. Et en fait, il y a vraiment donc les femmes, elles racontent en fait comment elles sont envoyées dans ces départements. Elles ont très peu d'informations. Donc Rose, par exemple, dit: on nous a fait monter au boulot dans un train. Il y avait un convoi de gens qui étaient prêts. On était le premier wagon après la machine. Il était long, le convoi, donc on ne savait pas. On était en France, mais on ne savait pas où on était. Et à mesure, ça, je m'en souviens toujours, de Toulouse, Montauban, et puis après plus rien, je ne sais pas. On est resté 2 jours sans savoir où on allait. En plus, on n'avait pas d'interprète pour pouvoir demander. Au bout de 2 jours, on s'est retrouvés dans la Sarthe. On était plusieurs ensemble quand on est sortis de Palafruelle. On a essayé de rester groupés, mais là, on nous a séparés. Ils ont réparti les gens dans le département à plusieurs endroits. Nous, on est allés dans un petit village qui s'appelait Brulon. Et Antonia, elle confirme, elle dit la même chose. On nous a mis dans un train, on est resté, je crois, 2 jours, je ne saurais pas dire combien de temps. On a traversé toute la France, mais pas dans les villes, car on passait dans les villes la nuit pour que personne ne nous voie. Nous sommes arrivés à Château-Thierry. Alors, dans chaque endroit, on a compris après, dans chaque endroit, ils laissaient des wagons. À travers la France, je ne saurais pas vous dire où. Je me rappelle d'avoir traversé Toulouse et nous sommes arrivés, nous les derniers presque, à Château-Thierry dans l'Aisne. Il faisait un froid de canard. Alors sur la route quand même, on nous donnait des sandwichs, tout ça. Voilà, donc il y a vraiment en fait une dispersion de ces réfugiés, et ça, ça se fait dans le courant du mois de février. Voilà, c'est vraiment, on va disperser toutes les tous les femmes et les enfants en fait dans différents centres d'hébergement qui vont avoir voilà, qui vont être des espaces un petit peu différents à chaque fois. Et donc, comme je vous disais, le principe, c'est qu'en fait, les autorités municipales en fait se font contacter par la préfecture pour pouvoir recenser tous les espaces qui pourraient accueillir les réfugiés. Alors, il y a des réactions un peu variables. En Bretagne, par exemple, le préfet du Morbihan dit, après avoir demandé avis et renseignement le 26 mars 1939 avec plusieurs personnalités, j'ai l'honneur de vous aviser qu'il n'y a pas de locaux disponibles à Plaudrin, ni même chez les particuliers de pièces pour recevoir des étrangers à la famille. C'est regrettable car les réfugiés sont bien à plaindre, mais les habitants tiennent aussi à être chez eux et ils ont bien raison. Voilà. Comme ça, ça c'est fait. Donc on a des typologies en fait extrêmement variées de ces centres d'hébergement. Et en fait, moi je me suis rendu compte qu'au final il y avait très très peu de mémoire de ces lieux. En fait, l'histoire des réfugiés espagnols, elle commence un peu à être connue à travers l'histoire des camps de concentration qui ont été un peu mis en avant, mais c'est vrai qu'au niveau des centres d'hébergement, il y a très très peu de choses qu'on connaît. Et ce qui est hyper intéressant, quand moi j'ai travaillé, enfin ce que j'ai trouvé intéressant, hein, quand j'ai travaillé sur ces centres d'hébergement, c'est de me rendre compte qu'en fait des centres d'hébergement, enfin, il y a encore des espaces, des lieux, et notamment dans le Massif central, où en fait ce sont les mêmes lieux qui ont été utilisés pour accueillir les migrants aujourd'hui en fait. Vous savez les CAO, là, les centres d'accueil et d'orientation en fait il y a des endroits, ce sont les mêmes lieux. Et c'est assez incroyable de se dire qu'en 80 ans, il n'y a aucune évolution. C'est assez incroyable. Donc pour vous dire, moi j'ai travaillé sur 4 départements en particulier. J'ai travaillé sur la Haute-Garonne et la Lozère, parce que donc la Haute-Garonne, il y avait énormément de réfugiés. Je voulais voir s'il y avait un impact dans leur gestion, parce qu'ils étaient plus nombreux. La Lozère, parce que j'ai travaillé sur le camp de Rio Cross. Et j'ai aussi travaillé sur deux départements plus, très nouveaux, qui sont le Morbihan et la Sarthe. Et donc en fait, j'ai repéré un petit peu quels étaient les différents espaces qui étaient utilisés. Donc on a vraiment plein de choses. On a des locaux publics, des prisons, des maisons d'arrêt qui sont la plupart du temps désaffectés, les écoles désaffectées ou les appartements de fonction, des hôpitaux, des théâtres, des salles des fêtes. On a aussi tous les locaux qui appartiennent à l'église. Donc alors ça, c'est un peu cadeau pour les réfugiés espagnols qui débarquent. Non seulement ils débarquent en France, en plus, imaginez les madrilènes ou les barcelonaises qui débarquent en fin fond de la Sarthe. Et en plus, qui sont encadrés par les religieux, donc ça crée une violence énorme. Il y a des hôtels qui sont réquisitionnés, des bâtiments industriels, des camps de vacances, et il y a aussi des maisons particulières, il y a aussi des sanatoriums, des stades, des cinémas, enfin, il y a vraiment tout type d'endroits, en fait, qui sont utilisés pour les accueillir. Et en fait, ça, les réfugiés espagnols, dans ces centres d'hébergement, concrètement, ils vont y rester entre quelques semaines à un an et demi, parce que la plupart des centres d'hébergement vont fermer, les derniers en tout cas vont fermer à l'été 1940. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, il va y avoir une première fermeture de ces centres au moment où il va y avoir l'exode français, parce que du coup, il va y avoir la priorité nationale, évidemment. Donc en fait, on va dégager tous les réfugiés espagnols de ces espaces-là pour les renvoyer soit dans des camps, donc les camps du sud de la France, soit dans d'autres centres d'hébergement. Et du coup, ce sont des espaces qui, pour certains, vont perdurer jusqu'à l'été 40, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que le nombre de femmes et d'enfants diminue, parce que je vous expliquerai pourquoi, mais pour plein de raisons différentes, en fait, rapidement, quand même, il y a moins de réfugiés sur le sol français, et notamment de civils. Et donc, en fait, on va fermer des petits centres pour maintenir que un ou deux ou trois centres dans chaque département, en fait, qui seront des gros centres d'hébergement, et en fait, ceux-là fermeront au plus tard à l'été 1940. À la base, il devait fermer au printemps 1940, mais c'est le ministère du Travail qui fout la pression à l'intérieur en disant « Attendez, en fait, ces femmes-là, elles peuvent nous être utiles et utiles à l'économie nationale, alors qu'en fait, les campagnes sont désertées puisque les soldats sont au front. Donc en fait, laissez-nous encore un peu le temps de replacer les femmes, etc. » Donc les centres d'hébergement, concrètement, ils durent de 37 pour certains jusqu'à l'été 1940. Alors, pour le coup, il y a aussi des femmes qui vont être envoyées dans des camps d'internement. Donc, comme je vous disais, les premiers camps qui sont construits, enfin, on dit camps d'internement, camps de concentration. Il y a un vrai débat, alors chez les historiens, pas tant, mais surtout avec les associations mémorielles de descendants de réfugiés espagnols, sur est-ce qu'on doit dire camps de concentration, Bon, moi, c'est pas un débat qui m'intéresse des masses, mais après, je comprends le concept, en fait, on peut considérer que camp de concentration, c'est un petit peu, c'est un peu connoté. Moi, je pense qu'à partir du moment où on explique que c'est les termes de l'époque, en fait, je vois pas où est le problème d'utiliser ce terme-là, enfin, entre adultes et en réfléchis, mais faut juste préciser quels sont ces camps, mais les deux termes sont utilisés par les autorités à l'époque. On parle de camp d'internement et de camp de concentration, donc voilà, on peut réutiliser ces termes-là. Toujours est-il que les trois plus gros camps, je vous le disais, c'était le camp du Barcarès, de Saint-Cyprien et d'Argelès. Mais très rapidement, ces espaces-là, en fait, il va y avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vont être envoyées sur les plages. Et en fait, ils vont être très rapidement pleins. Donc en fait, il va y avoir un deuxième réseau de camps qui va être monté dans tout le sud-ouest de la France, avec des camps un peu plus petits, un peu plus construits. Donc il va y avoir le camp du Vernet d'Ariège, il va y avoir le camp de Bram, le camp d'Agde, le camp de Sept-Fonds. Voilà. Et ensuite, il va y avoir Rizalt aussi, le camp de Burs, etc. Donc il y a en tout 8 camps qui vont être mis en place. Et en fait, il va y avoir du coup la possibilité, enfin, ces femmes vont aussi, pour certaines, être internées dans des camps. Donc il va y avoir plusieurs trajectoires, plusieurs possibilités pour les femmes. Certaines vont connaître que les centres d'hébergement, certaines vont pas du tout les connaître, je vous expliquerai pourquoi. D'autres vont faire des centres d'hébergement et des camps, et d'autres vont faire que des camps. C'est un peu variable. Et clairement, c'est un peu parce que les autorités françaises font un peu comme elles peuvent. Voilà. Donc les femmes vont quand même être internées. Moi, j'ai travaillé donc sur Argelès, parce qu'au début, elles ne le sont pas. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas volontaire. Mais ensuite, après, on les renvoie sur Argelès de manière volontaire. J'ai travaillé sur le camp du Rio Cross, qui va être le pendant féminin, si vous voulez, du camp du Vernet, qui, à partir de septembre 1939, devient un camp répressif. Donc c'est vraiment un camp qui a pour objectif d'interner toutes les fortes têtes politiques françaises et étrangères, donc à partir du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a le camp du Vernet pour les hommes et le camp du Rio Cross, qui était, je vous rappelle, le premier camp qui a été créé, en fait, au moment du décret-loi pour l'internement administratif, qui va se transformer en camp de femmes. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur le camp de femmes du Rio Cross et aussi sur le camp de Rivesaltes, qui va accueillir donc pas que des réfugiés espagnols. À chaque fois, ces camps-là, ils accueillent des réfugiés espagnols, mais aussi des antifascistes allemandes, aussi des juifs, etc. Il y a aussi des alternatives privées, en fait, dans la prise en charge des réfugiés espagnols, et notamment des femmes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des familles qui vont se porter volontaires, qu'elles connaissent du monde ou pas, pour accueillir les femmes et les enfants, parce que donc elles apparaissent comme des victimes de la guerre, etc. Donc elles sont vues et perçues comme moins dangereuses. Donc les autorités préfectorales ont moins de mal aussi à les laisser plus libres sur le territoire français. Donc il y a déjà toutes les familles espagnoles, en fait, qui sont en France du fait de l'émigration économique, voire même politique depuis les années 20, en fait, qui vont avoir la possibilité, qui vont se signaler auprès des autorités préfectorales pour dire, ben voilà, nous on accepte d'accueillir tel réfugié. Il y a une enquête qui est faite un peu, en gros, il faut que la famille soit quand même pas trop politisée, et en fait, dans ces cas-là, on accepte encore plus quand la famille ne demande pas d'argent pour accueillir les réfugiés espagnols. Parce qu'après, il y a aussi la possibilité pour des territoires ruraux, comme en Mayenne ou dans le Lot-et-Garonne, où en fait, il y a eu le préfet a fait appel à des familles en disant, bah, accueillez votre réfugié espagnol, et on vous donnera donc un petit peu d'argent. Du coup, il y a une allocation qui est fournie aux familles françaises pour accueillir les réfugiés espagnols. Donc, toutes ne passent pas entre les mailles du filet étatique, enfin, toutes ne sont pas prises en charge par l'administration française, mais la majorité d'entre elles le sont. Et il y a aussi des comités ou différentes associations qui se mettent en place, par exemple à Toulouse, il y a le comité universitaire toulousain qui va accueillir essentiellement des familles d'intellectuels catalans, en fait. Et donc il y a plus de 400 personnes qui vont être aidées comme ça, sur la région toulousaine, en fait, sous forme d'hébergement ou de bons, de repas, pour prendre en charge, en fait, les réfugiés, pour éviter qu'elles passent par les camps. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qui a été très compliqué, c'est d'essayer de déterminer, en fait, un peu le parcours type des femmes espagnoles en France. Et en fait, c'est concrètement pas possible, parce qu'il y a vraiment des parcours qui sont extrêmement hétérogènes. Alors, les petits carrés, ça correspond à des flèches, pour info. Donc, juste sur les... Par exemple, j'ai trouvé 64 trajectoires extrêmement détaillées aux archives des Pyrénées-Orientales. Et alors, donc, j'ai pu faire... ça n'a de valeur que... Enfin, c'est vraiment un échantillon très très mince. Hein, 64 sur 90 000, c'est pas énorme. Mais bon, ça illustre en tout cas les parcours variables. Donc il y a 17 femmes qui ont passé la frontière, qui ont fait un ou plusieurs centres d'hébergement, puis un camp, Agde ou Bram, puis un autre camp, Argelès-sur-Rivesaltes. Il y en a certaines qui ont fait frontière, plusieurs centres d'hébergement successifs, et ensuite le camp d'Argelès-sur-Rivesaltes. Certaines ont fait frontière, un centre d'hébergement, le camp d'Argelès, puis le camp de Rivesaltes. D'autres ont fait la frontière, un ou plusieurs centres d'hébergement, un camp, Agde ou Bram, puis un autre camp d'Argelès ou de Rivesaltes. Et pour les autres femmes, elles ont fait la frontière, un camp, un autre camp, ou alors la frontière, un camp, enfin en gros trois camps possibles. Et donc, en fait, vu que les archives, elles ont été retrouvées aux Pyrénées-Orientales, dans le département des Pyrénées-Orientales, ce sont forcément des femmes qui ont terminé par être internées dans des camps dans les camps de ce département-là. Sachant que, selon moi, la majorité des femmes ont plutôt le trajet sûrement majoritaire, c'est plutôt frontière, et un ou plusieurs centres d'hébergement, en fonction de la fermeture de ceux-ci, et ensuite regroupement familial ou embauche dans l'économie ou émigration ou rapatriement. C'est-à-dire que je pense que, concrètement, sur les 90 000 femmes à peu près, la majorité n'ont pas connu les camps de concentration, mais il y en a quand même plusieurs milliers qui sont passés par les camps. La mise au travail, elle est importante. Alors, en fait, il faut savoir que les autorités françaises vont très rapidement utiliser les hommes dès avril 1939 via des compagnies de travailleurs étrangers, en fait, qui vont leur permettre. Donc, c'est des dispositifs militaires, en fait, où les compagnies vont être envoyées soit dans des chantiers en forêt, etc., soit pour reconstruire la ligne Maginot. Donc, ça va être un encadrement militaire. Beaucoup d'Espagnols, en fait, acceptent, entre guillemets, d'hommes acceptent de partir dans ces compagnies de travailleurs parce qu'on leur fait un chantage au rapatriement, en leur disant, en fait, en gros, soit vous venez bosser pour la France, soit vous retournez en Espagne. Et en fait, ils savaient très bien ce qui risquait de leur arriver. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ces compagnies de travail qui, sous Vichy, vont devenir des groupements de travailleurs étrangers, c'est de repenser un peu le coût économique de l'émigration, en fait, parce que moi, je l'avais rarement vu jusqu'à présent, mais en fait, les compagnies de travail, vu que les Espagnols sont payés, mais sont sous-payés, concrètement, en fait, grâce à ces compagnies de travailleurs étrangers et grâce aux économies, en fait, qui permettent aux autorités françaises, en fait, on considère que, du coup, les Espagnols, à partir de l'été 1940, ont remboursé entièrement leurs dettes. C'est-à-dire que, concrètement, accueillir 500 000 de réfugiés espagnols, ça, on ne va pas se mentir, ça coûte de l'argent, même s'ils sont accueillis dans des conditions plusieurs millions de francs par jour. Voilà. Mais sauf qu'en fait, des notes du gouvernement montrent que, grâce aux économies réalisées sur le dos des travailleurs espagnols, en fait, du coup, les autorités françaises vont commencer à se faire de l'argent sur le dos des réfugiés espagnols à partir de l'été 1940. Voilà. C'est toujours intéressant de le rappeler quand on dit que les étrangers, ça coûte cher. Une autre possibilité, donc les femmes, elles vont être mises au travail, mais beaucoup plus tard, seulement à partir de 1940. En gros, concrètement, l'année 1939, on considère que voilà, les femmes, ce sont plutôt des bouches inutiles, en fait, qu'elles servent à rien et qu'on va pas les employer. C'est après, quand on a épuisé toute la main d'œuvre masculine dans les camps, on va commencer à se tourner vers les femmes espagnoles. Et en fait, il va y avoir différents dispositifs qui vont être mis en place, par exemple les réfugiés espagnols dans l'agriculture française, donc l'association de réfugiés espagnols, qui vont collaborer avec l'administration française pour faciliter leur intégration dans des métairies au niveau de la campagne française. Et il y a aussi ce qui va permettre aux femmes de sortir des centres d'hébergement et des camps, ça va être le regroupement familial, parce que du coup... dès que les hommes ont la possibilité, en fait, donc, d'obtenir du travail, y compris par les compagnies de travailleurs étrangers, dès qu'ils ont un petit peu d'argent, en fait, les autorités françaises autorisent le regroupement familial, et donc les femmes peuvent sortir des camps et des centres d'hébergement, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les femmes qui vont faire cette démarche-là d'aller retrouver les hommes. Pourquoi ? Parce que déjà, en fait, il y a des milliers de centres d'hébergement dans toute la France, alors qu'il y a une dizaine de camps. Donc en fait, les femmes, dès qu'elles ont un peu d'argent, en fait, elles vont prendre l'initiative d'écrire dans tous les camps pour retrouver leur mari. Il va aussi y avoir des émissions de radio qui vont passer, il va y avoir des journaux espagnols qui vont être distribués dans tous les centres d'hébergement et dans tous les camps pour dire bah, un tel cherche un tel, etc. Parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque, il y avait très peu de moyens de communication. Donc l'activité principale des réfugiés espagnols, les premières semaines quand ils sont sur le sol français, c'est de se retrouver, en fait, déjà pour savoir qui est... Surtout qu'il y a une énorme pression gouvernementale au rapatriement. Et qu'en fait, les Espagnols, enfin les femmes notamment, elles ont besoin de savoir ce que vont faire leurs conjoints, ce que vont faire leurs parents, pour savoir si oui ou non elles acceptent un retour en Espagne. Donc ça, je reviendrai dessus sur les rapatriements, parce que c'est un bon exemple de pression, en fait, étatique sur les femmes. Et une autre... Alors, je voulais juste vous dire une petite citation d'une des femmes sur le regroupement familial. Sur les 500 000 qui ont passé la frontière, tu sais combien il y en a qui ont été rapatriés ? Ouais, il y en a au moins 350 000. Ah ouais. C'est énorme. Et ça se fait concrètement les premiers mois, la première année. Volontairement ou pas, hein, pour le coup, parce qu'il faut aussi se dire qu'une fois qu'on s'est fait accueillir et qu'on a passé 3 mois sur un camp, sur la plage, sans avoir à bouffer, en fait, et qu'on se dit, tiens, la guerre arrive en France, qu'est-ce que je fais ? Je recommence ou... Alors du coup, sur les rapprochements familiaux, c'est le ministre de l'Intérieur qui dit au préfet « Mes services sont fréquemment saisis de demandes de rapprochement de famille présentées par des réfugiés espagnols ayant trouvé un emploi dans l'industrie ou l'agriculture. » Ces demandes, quand elles vous seront directement présentées, devront être instruites avec le maximum de diligence et être favorablement accueillies chaque fois que les circonstances le permettront, c'est-à-dire chaque fois que le chef de famille aura trouvé un emploi assez rémunérateur pour subvenir aux besoins des siens. Il importe en effet d'alléger le plus possible la charge de l'État et de favoriser le placement et l'établissement des réfugiés qui sont aptes à travailler et doivent de fait être assimilés aux autres étrangers. Je vous autorise, pour faciliter ce regroupement familial souhaitable, de tant au point de vue général qu'au point de vue financier, de délivrer les réquisitions de transport utiles. Parce que clairement, le gouvernement français va rapidement avoir envie en fait de se débarrasser des réfugiés espagnols. Donc en fait, il va y avoir cet accueil-là, hein, cette entrée-là sur le territoire français en fait du demi-million de réfugiés. Et rapidement, en fait, il va s'agir pour les autorités françaises de cerner quels sont les réfugiés qui vont être dangereux. En fait, et ceux-là, il va y avoir un traitement très très répressif à leur rencontre. Et les autres, en fait, il va falloir essayer de les assimiler un maximum pour éviter en fait un surcoût économique. Enfin, une autre option pour éviter aux femmes, en fait, pour sortir soit de ces camps, soit de ces centres d'hébergement, ça va être l'émigration. Donc l'émigration essentiellement en Amérique latine, aussi en Russie pour les enfants, notamment il y a beaucoup de colonies qui sont envoyées en Russie. Et donc l'émigration, c'est là que Marseille est un peu concernée quand même, notamment via le Mexique. Ça va passer par la légation du Mexique et donc par Gilberto Bosques, qui était responsable de tout ça et qui lui a permis à énormément de réfugiés espagnols, en tout cas, d'être pris en charge dans la région de Marseille pour envisager une émigration. Mais là encore, les femmes, ça va pas être les prioritaires dans le cadre de l'émigration. En fait, on considère que sur tous les réfugiés qui ont émigré, il y a à chaque fois il y a à peu près un quart de femmes. Ce sont pas les prioritaires en fait. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu rapidement le détail de ce qu'elles ont, quels étaient leurs parcours, donc vraiment passage de la frontière, centre de transit, envoi sur les camps ou sur les centres d'hébergement d'abord, ensuite sur les camps de concentration pour celles qui n'ont pas pu retrouver la trace de leurs proches, et ensuite donc soit rapatriement pour certaines, soit intégration sur le sol français, ou alors émigration. Alors, en ce qui concerne le profil des femmes, pour que je vous en dise un petit peu plus sur elles et sur pourquoi est-ce qu'on sait si peu de choses. Donc, comme je vous disais, concrètement, on considère qu'il y a entre 80 000 et 95 000 femmes qui passent la frontière en février 1939. À l'été 1940, il en reste entre 10 000 et 15 000 qui sont à la charge de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il y en a... Il n'y a pas que ça sur le sol français, en fait. Il y en a d'autres qui travaillent, qui ont trouvé un emploi ou en tout cas qui ont retrouvé leur conjoint ou leur famille. Mais en tout cas, les femmes qui restent soit dans les camps, soit dans les centres d'hébergement, elles sont environ 10 à 15 000 à l'été 1940. Alors, c'est très difficile de cerner les profils, les profils féminins notamment. Et les seules informations dont on dispose la plupart du temps, c'est leur provenance et si elles ont ou pas des enfants. Alors, c'est hyper intéressant. Donc, par exemple, là, on reprend les listes nominatives qui ont été dressées par le commissaire spécial, en fait, au passage de la frontière à Arles-sur-Tech. Donc, état de préparation, vous voyez, ils en sont à la feuille et au crayon. Déjà, c'est extrêmement compliqué de faire une recherche concrète parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, la plupart du temps, ils mettent juste un nom de famille. Donc après, pour aller retrouver les Espagnols, c'est un peu compliqué, surtout quand ils s'appellent Maria Ascension, parce qu'il y en a à peu près 3 000 en Espagne. Voilà. Et en fait, les seules informations qu'on a, c'est leur âge, d'où elles viennent. Et encore, d'où elles viennent, on ne sait pas si c'est... Parce qu'il y a aussi eu un exil intérieur, hein, les réfugiés espagnols, avec la guerre d'Espagne, en fait, certaines d'Andalousie ont passé d'abord du temps à Barcelone pendant plusieurs mois, voire quelques années même pour certaines, avant de faire l'exil en France. Donc c'est un peu parcellaire, cette affaire-là. Et ensuite, savoir si elles sont célibataires ou si elles ont des enfants. C'est un peu la seule chose qu'on va leur demander. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que ça montre aussi quel est le regard genré qui est porté sur les réfugiés espagnols. En fait, concrètement, les femmes vont faire l'objet de beaucoup moins de surveillance étatique de la part des autorités policières. Parce que c'est l'incidence des représentations de genre. En fait, elles ne sont pas considérées comme pouvant porter atteinte à la sûreté de l'État. En fait, donc on va moins les surveiller. Hein. L'État surveille essentiellement ce qu'il craint. Et donc, ça suppose beaucoup moins de production d'archives. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'aller les chercher. Pourquoi aussi ? Parce que quand il y a des archives qui sont produites, la grammaire française fait qu'elle reste invisible, en fait, concrètement, au niveau grammatical. Et donc en fait il faut un peu déjà avoir compris quel était leur parcours sur le sol français pour savoir si quand on tombe sur des documents d'archives comme cela, si on parle de femmes ou d'enfants. Là par exemple, je vous dis, c'est le centre de rassemblement des Haras. Donc ça, c'est à côté de Perpignan. C'est le lieu par lequel vont passer les femmes et les enfants avant d'être rapatriés en Espagne. Donc c'est un peu un sas. Donc là, c'est liste numérique par département d'origine des réfugiés ES espagnols acheminés sur les camps du parc Argelès sur mer. Et donc, en fait, ils viennent d'Isère, de Sarthe, du Pas-de-Calais, de Saône-et-Loire, Corrèze, Indre, etc. Donc moi, je sais que ce sont des réfugiés civils essentiellement. Donc ce sont majoritairement, en fait, des femmes. Et là, ils mettent 3889 réfugiés, hommes, femmes et enfants. Voilà, sachant que donc, je pense que là-dedans, il y a 300 hommes. Enfin, quand je parle des enfants, c'est garçons-filles mélangés, hein, mais la majorité, en fait, des adultes, ce sont des femmes, en fait. Et là, elles n'apparaissent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, pourcentage, en fait, on n'a pas d'informations sur leur sexe. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est extrêmement important, et moi, je pense que ma thèse n'aurait pas du tout été pareille si je n'avais pas fait la rencontre de ces femmes-là. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des femmes qui avaient vécu l'exode au moment où je les ai interviewées. Donc j'ai commencé avec le camp du Vernet, enfin à partir de 2008. Donc c'était voilà, moi je voulais essentiellement des femmes qui avaient passé la frontière en étant déjà adultes. C'est-à-dire en fait j'ai aussi rencontré des femmes qui me racontaient qu'elles avaient passé la frontière quand elles étaient enfants, etc. Mais moi ce que je voulais c'était le témoignage de femmes qui avaient à se prendre en charge elles-mêmes, en fait, qui n'étaient pas prises en charge par leurs parents. Et donc j'ai fait j'ai rencontré une quinzaine de femmes, j'ai conservé 13 témoignages. Et en fait ça c'était extrêmement important, et c'est pareil pour toutes les populations qui vont être considérées comme subalternes, c'est-à-dire comme voilà, enfin que ça soit dans toute l'histoire, en fait, qui ne sont pas au centre des récits historiques. Parce que ça soit pour les femmes, que ce soit pour les esclaves, que ce soit pour voilà, les pauvres, en fait, à chaque fois il y a cette histoire de l'histoire qui est écrit par les puissants, par les vainqueurs, et qui est surtout écrit par et pour des hommes. Il y a un collectif d'historiennes qui le disent très très bien sur comment la parole et le vécu des femmes est invisibilisé dans l'écriture historique, en fait. Donc je vous cite ce qu'elles en disent, parce qu'elles le disent très bien. Les mots des femmes du passé sont recueillis par des hommes. Ce sont eux qui le plus souvent ont mis en forme la parole des femmes, rédigé les documents qui les concernent, eux qui ont compté et enregistré. Eux qui ont opéré tri et classement, constitué les archives, imposé les catégories d'interprétation. Dans les discours, les images priment sur les informations concrètes. Les femmes sont représentées avant d'être décrites ou racontées, et l'enregistrement primaire de ce qu'elles font et disent est médiatisé par les critères de sélection des scribes du pouvoir. Le rapport des sexes imprime sa marque aux sources de l'histoire et conditionne leur inégale densité. Donc c'est vraiment ça, en fait. De toute façon, c'est extrêmement compliqué d'avoir des informations qui sont des informations, en fait, qui viennent voilà, du pouvoir, qui sont, enfin, dans les archives publiques, on trouve très très peu de choses. Donc il y a, moi j'ai récolté énormément d'informations via les témoignages et aussi via les archives privées, parce qu'il y a des femmes qui ont conservé beaucoup d'archives, il y a aussi des associations qui ont conservé des archives sur justement ce qu'elles avaient fait vis-à-vis des femmes. Je vais vous garder des témoignages après. Donc de fait, les descriptions que moi j'ai obtenues, en fait, via les archives publiques de ces femmes-là sont clairement dépendantes en plus des représentations de genre de l'époque. Donc c'est ce qui explique aussi qu'il y a très peu de focus sur leur appartenance syndicale, sur leur appartenance politique à ces femmes-là, et que le focus il se fait plutôt sur concrètement combien elles ont d'enfants, c'est-à-dire combien de personnes on va avoir à prendre en charge. Alors que pourtant, et il y a eu des études qui ont été faites par des historiennes sur la participation des femmes dans la guerre d'Espagne et au-delà de leur participation sur le front lors des premiers mois, en fait, et on voit qu'il y a des profils qui sont extrêmement politisés, en fait. Donc il y a des femmes qui sont très très engagées. Et en fait, on retrouve quand même des informations. Moi, j'ai retrouvé notamment via des militants syndicaux et politiques qui, dans les centres d'hébergement, en fait, dans des petits villages, vont aller à la rencontre des réfugiés espagnols et se rendre compte qu'en fait, les nanas, elles ont tout fait, quoi. Et donc, c'est intéressant d'avoir ces témoignages-là. Ça se passe notamment, enfin, il y a des articles dans la presse. Par exemple, en Mayenne, en fait, il y a eu un gros travail en Mayenne, je ne sais pas pour quelle raison, mais des historiens locaux, en fait, ont beaucoup été interviewées les femmes dans les années 80, etc. Donc il y a beaucoup de témoignages sur cette rencontre, en fait, entre les Mayennais et les femmes espagnoles. Ils mettent, pour certaines, leur implication sociale avant et pendant la guerre est manifeste. C'est le cas, par exemple, d'une réfugiée de Graset, fondatrice de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme et du citoyen à Barcelone. Une autre femme hébergée à la Baroche-Gondouin était responsable de la CNT à Madrid, puis à Barcelone. À Torigné, c'est la secrétaire du syndicat local CNT d'Alcolea del Rio, militante de la FAI, milicienne du Front Populaire, qui vient de s'installer avec sa fille Libertad et d'autres réfugiés. Toutes ces femmes sont parties au même titre que les combattants et responsables politiques et syndicaux. Et une autre aussi de, En Lozère, par exemple, dans un centre, en fait, il y a une femme qui est signalée, militante active des partis républicains catalans, a été pendant la guerre secrétaire générale de la jeunesse de la gauche républicaine de Catalogne, conseillère de culture à l'Institut d'adaptation professionnelle de la femme, présidente de l'Alliance nationale des jeunes femmes de Catalogne, présidente de la section des employés de bureau de la métallurgie de Barcelone, syndicat de l'Union générale des travailleurs, ne peut rentrer en Espagne où elle serait l'objet de représailles. Donc voilà, donc en fait, on sait quand même, et on, moi, j'ai, avec les témoignages, j'ai eu de femmes qui, pour le coup, enfin, moi j'ai aussi un biais ben, politique, enfin voilà, les personnes que je connais sont plutôt des militantes, donc en fait, j'ai rencontré des femmes qui, de fait, étaient plutôt des militantes, et elles ont toutes des parcours, effectivement, qui sont de femmes impliquées, et pas même, pour certaines, avant la guerre d'Espagne. Donc, pour le coup, les autorités françaises ont une représentation qui est complètement erronée des réfugiés espagnols. On a quelques informations complémentaires qui arrivent dans certains documents en fait sur leur profession, notamment parce que l'État, à un moment donné, on va vouloir les utiliser. Donc là, il y a des enquêtes qui sont menées dans les centres d'hébergement et dans les camps pour savoir bah, voilà, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire et qu'est-ce que vous acceptez de faire. Donc là, on a quand même quelques informations en plus. Alors, pour revenir sur la question des représentations, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette vision-là, que les autorités françaises, qui sont des visions complètement erronées, en fait, et manichéennes des femmes, en fait, il y a une incidence, en fait, ce sont des visions qui sont performatives, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vraie incidence sur leur prise en charge sur le terrain, en fait. La manière dont les autorités françaises les regardent et les perçoivent, en fait, ça va avoir des incidences concrètes sur leur prise en charge. Et donc, notamment parce qu'il y a il y a une vraie importance des médias au moment du conflit de la guerre d'Espagne. On l'a dit, c'est un des premiers conflits en fait qui est très médiatisé. Donc, puis il y a aussi le fait que la France est le pays juste à côté, donc il y a énormément de porosité entre les deux. Il y a les affiches de propagande, il y a les actualités cinématographiques, etc. Donc, on a des visions qui sont de fait déjà qui circulent en fait des femmes espagnoles. La première en fait vision qu'on a, c'est la figure de la milicienne. Donc avec des images qui sont très très connues, hein, la figure de la milicienne qui va apparaître et qui va circuler en France les premiers mois du conflit, donc en 1936, qui va très vite être retirée. Enfin, les femmes sont aussi retirées du front parce que c'est une mauvaise image de la femme en fait. Et donc y compris dans le camp dit républicain, avec énormément de variantes politiques, mais en fait la position de la milicienne va poser problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle trouble finalement l'ordre du genre en fait. Et les femmes, elles sont bien, mais il faut qu'elles restent à l'arrière. Donc elles vont, voilà, on va leur donner un rôle plutôt de maternité sociale, hein, de soins, de prise en charge des blessés. Donc les miliciennes, mais bon, elles apparaissent quand même et elles vont marquer l'opinion publique. Mais au moment où, en fait, en 1939, les femmes, elles passent la frontière, en fait, l'image qui reste le plus, c'est l'image de la victime, en fait. C'est la femme éplorée. Et c'est aussi une image qui va être utilisée par le camp républicain dès 1938, en fait, pour favoriser, en fait, l'arrivée de dons, en fait, auprès du camp républicain. Donc, pour dire vraiment, aidez-nous, en fait, il faut susciter pitié et compassion. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la figure de la veuve éplorée, de la femme faible, pour en fait favoriser l'aide internationale envers l'Espagne. Et en fait, donc il y a une conséquence de ces images-là en fait successivement sur leur prise en charge en France. Au moment où les femmes elles arrivent en février 39, comme je vous dis, c'est vraiment la victime qui est l'image prédominante, parce qu'on a aussi toutes les actualités cinématographiques. Je pense que vous avez vu aussi les convois. Il y a quelques vidéos qui sont filmées à l'époque, hein, les convois vraiment de femmes avec les charrettes, les enfants, les couvertures, etc. Donc c'est vraiment la vision éplorée. Et en fait, le spectre de la femme indésirable, il va arriver plus tard, au moment où il va y avoir le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et on va commencer à se dire, mais attendez, en fait, c'est bien beau d'héberger les réfugiés espagnols, mais il faudrait peut-être penser aux Français, et en fait, il va falloir commencer à faire un peu de place. Et en fait, le spectre de la femme indésirable, en fait, il a vraiment plusieurs... il y a plusieurs facettes. Et la première, c'est la femme politisée, parce que c'est vraiment ça existe en fait, similitude entre la femme politisée et la femme de mauvaise vie, elle existe. Bah, c'est Fanny Bugnon qui a travaillé là-dessus sur l'image aussi qu'on a des femmes de la commune en fait, qui sont des femmes extrêmement violentes, forcément hystériques en fait. Et en fait, les femmes espagnoles vont un peu pâtir ensuite de cette vision-là. Et en fait, on le voit sur le regard que vont porter les autorités françaises envers les femmes qui vont se faire un peu remarquer, en fait. On trouve vraiment cette porosité-là sur la manière dont ils vont penser qu'elles sont indésirables parce qu'elles sont politisées et donc en fait elles apparaissent comme étant vraiment des femmes de mauvaise vie. Je vais vous lire les motifs d'internement en fait du camp de Rio Cross. Je vous rappelle qu'il est le camp répressif, c'est-à-dire que toutes les femmes qui vont se faire repérer d'une manière ou d'une autre dans les centres d'hébergement, en fait, elles vont être envoyées au camp de Rio Cross. Et donc les raisons, en fait, donc ça c'est les échanges entre préfets. Donc par exemple, si ça vient du Morbihan, il y a le préfet du Morbihan qui va écrire au préfet d'Auxerre pour qu'il récupère. Donc c'est sans motif connu, ça c'est encore mieux. Condamnation pour vol. Considérée comme un élément suspect et indésirable, elle constitue un véritable danger pour l'ordre public par la propagande dissolvante qu'elle exerce sur les jeunes esprits faciles à convaincre. Suspecte de propagande antinationale. Est de conduite et de moralité mauvaise, elle se livre à la prostitution clandestine et est franchement indésirable. Donc ça, il y a une vraie... En fait, toutes les femmes qui sont politisées vont être suspectées d'être évidemment des prostituées en puissance. Hein. Le lien, il est très souvent fait. C'était pareil, il y a la commune de Marseille et les condamnations, et les trois quarts, elles sont considérées comme prostituées. Ouais, c'est ça. Les femmes arrêtées, c'est tout ce qu'on sait sur elles. Femmes de mauvaise vie. Oui, c'est ça. Et en fait, mais il faut dire aussi que les. C'est-à-dire qu'on envoie. Le préfet et le chef du camp du Rio Cross disent qu'en fait, ils ne peuvent être envoyés sur le camp du Rio Cross que les femmes dangereuses. Mais en fait, du coup, l'idée de la femme dangereuse, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement vague. Et pour beaucoup de maires de communes rurales ou même de préfets, en fait, une femme qui gueule, qui chante en fait, qui prend position, qui tient tête dans un centre d'hébergement, ne serait-ce que pour demander juste de pouvoir faire à bouffer elle-même en fait, parce que voilà, elles ont des dispositifs et en fait rien que ça en fait, ça trouble l'ordre de genre habituel, donc en fait elles sont renvoyées et c'est pour des motifs qui sont toujours très très flous. C'est donc le préfet de Dordogne qui dit vous est-il possible de recevoir au centre de Rio Cross une réfugiée espagnole dont la conduite laisse à reprocher. Donc voilà, c'est un peu et de conduite et de moralité mauvaise, se livre à la prostitution clandestine, donc, à épouser les idées anarchistes de son mari, ça c'est magique. Pas tout seul. Et alors ce qui est intéressant en fait, c'est de voir comment le responsable du... Jusqu'au responsable du camp, en fait, il va commencer à se dire mais qu'en fait, il y a quand même un problème dans le regard qui est porté sur ces femmes. Et en fait, le chef du camp écrit en fait. C'est pas le chef du camp, ça c'est le médecin du camp qui explique l'échange qu'il a eu avec le commandant du camp. Il dit que parmi les femmes internées, il y a certes un certain nombre de communistes. Alors là, il parle essentiellement des Allemandes, mais pas une seule d'entre elles n'a jamais commis la moindre action contre la France, et une ou plusieurs ont perdu leur mari exécuté en Allemagne. Mais la grande majorité des femmes ne sont pas communistes, ni aucunement dangereuses. Leur arrestation n'est en général basée sur rien du tout, sur des erreurs. On leur reproche peut-être des mœurs légères, alors qu'il n'y a absolument rien de ce genre à leur reprocher. Elles n'ont simplement pas pu prouver de quoi elles vivaient. Ou des voisins malveillants les ont dénoncées, c'est le cas des Allemandes, pour avoir fait dans leur appartement des signes de morse alors qu'elles ont tout simplement écrit à la machine. Le malheur est qu'il n'y a jamais aucune inculpation ni aucune instruction au cours de laquelle toutes ces femmes pourraient facilement prouver leur complète innocence. Le 12 avril, j'ai eu l'occasion de parler au commandant du camp, un commissaire de la préfecture de Mende. C'est un petit policier pas malveillant. Après 7 mois de surveillance et d'examen des dossiers, il est d'avis qu'au moins la moitié des femmes qui y sont internées le sont à tort. Surtout toutes celles qui ont été amenées pour des mœurs légères. Voilà, donc c'est pour vous montrer à quel point, en fait, le spectre de l'indésirable, en fait, il est extrêmement vague et qu'en fait, ça amène des internements qui sont complètement abusifs, notamment au camp de Rio Cross. Il y avait combien de personnes dans ce camp ? Il y en a environ jusqu'à 500, c'est assez variable, mais il y a eu jusqu'à environ 500 femmes. Une dernière facette de l'indésirabilité des femmes aussi, ça va être, et celles-là, elles vont être envoyées plutôt à Argelès et plutôt au camp de Rivesat, ça va être celles qui ne vont pas, enfin qui vont être en fait indigentes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas avoir de quoi se prendre en charge elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu retrouver de membres de leur famille, ou alors ils sont encore internés dans les camps, donc dans ces cas-là, elles n'ont pas la possibilité de se faire aider par quelqu'un de leur famille. Elles refusent le rapatriement pour des raisons politiques, ou aussi parce que c'est leur choix, elles n'ont même pas à se justifier, je pense. Mais... Et en fait, elles n'ont pas trouvé de travail. Souvent parce que en fait, toutes les femmes avec les enfants, pour elles, c'est hyper compliqué de trouver du travail, en fait, parce qu'elles n'ont pas la possibilité de les prendre forcément avec elles quand elles sont accueillies dans des fermes ou dans des maisonneries. Les agriculteurs demandent à ce que ce soit des femmes seules pour pas qu'il y ait des enfants en charge en plus quand ce sont des enfants en bas âge. Donc il y a aussi des femmes qui ont l'impossibilité de travailler. Et donc, en fait, toutes celles qui, à l'été 1940, au moment où les camps, les centres d'hébergement ferment, en fait, qui refusent le rapatriement, non seulement elles le refusent, mais c'est aussi que l'Espagne commence à fermer sérieusement ses frontières, et ben, en fait, elles vont être envoyées donc dans ces camps-là. Donc elles vont être indésirables, mais plutôt parce que indigentes, elles, pas forcément parce que politisées. Alors, donc, alors, ce sur quoi moi j'ai particulièrement réfléchi dans le cadre de mon travail, c'est en fait quelles sont bah, du coup les différentes interactions qui se passent entre les autorités françaises et ces femmes espagnoles réfugiées. Et donc en fait la manière dont les dispositifs coercitifs et étatiques en fait vont assujettir les femmes, c'est-à-dire les transformer en sujets. Et comment elles, ces femmes-là, face à ces différents dispositifs coercitifs, comment elles vont être en mesure de réagir et de résister. Alors du coup, la première différence qu'il y a avec, avec les hommes, ce que je vous disais dès le début, c'est qu'il y a moins de surveillance étatique concrètement envers ces femmes-là, mais il y a plus d'emprise corporelle. Concrètement, moins de surveillance, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne vont pas être fichées dans les centres d'hébergement, alors que les hommes sont fichés dans les camps de concentration. En fait, elles vont avoir une plus grande liberté de circulation dans les centres d'hébergement, la plupart du temps, à part une mise en quarantaine, qui donc dure 40 jours, elles vont être, en fait, elles vont avoir la possibilité de circuler librement, en tout cas dans la zone communale, enfin, ou aux alentours. En tout cas, ce qu'on leur demande, c'est d'être rentrées le soir dans le centre d'hébergement, mais elles peuvent se balader dans le village, etc. Donc ça c'est plus facile pour elles. Par contre il y a des vraies violences qui se mettent en place. Alors la première, ce que je vous disais, la première violence qui est vécue par les femmes, c'est la séparation avec dans la cellule familiale, donc la séparation avec les hommes et le manque d'information. La différence de la langue aussi, ce qui peut paraître complètement anecdotique, mais en fait c'est ce qu'elles disent. En fait les premiers mois, les femmes elles n'ont pas d'interlocuteur, surtout dans le nord de la France, c'est-à-dire autant dans la région toulousaine, etc., il y a toujours voilà, des Espagnols, mais concrètement, en Mayenne, ils mettent énormément de temps avant de réussir à pouvoir discuter ensemble, etc. Et donc, en fait, ils ne parlent pas la même langue, et en plus, ils n'ont pas les informations. Quoi. Ça circule très, très peu, donc les femmes, en fait, elles restent des semaines sans savoir ce qu'elles font ici, ce qu'on va leur permettre de faire, si elles vont retrouver des gens de leur famille, si elles vont être envoyées en Espagne, elles n'ont aucune information. Et en fait, c'est une manière, ça, pour l'État, clairement, hein, d'affermir son emprise, de faire en sorte qu'en fait, on donne le moins d'informations possible. C'est le meilleur moyen pour que les femmes, elles se tiennent tranquilles, en fait, pour obtenir des informations. Les différences culturelles, c'est totalement anecdotique, mais en fait, c'est un vrai obstacle, enfin, une vraie difficulté pour les femmes, notamment culinaires, enfin, ce qui explique qu'elles vont dans les centres d'hébergement pour beaucoup, en fait, très rapidement solliciter la possibilité, en fait, auprès des autorités locales de pouvoir faire elles-mêmes à manger. Parce qu'en fait, voilà, elles ne cuisent pas du tout, enfin, elles ne cuisent pas le riz pareil, elles ne mangent pas aux mêmes horaires, enfin, ça peut paraître un peu... Mais c'est important pour elles. Il y a aussi le problème du changement de qualité de vie, hein, c'est ce que je vous disais quand même, on a des Espagnols qui, pour celles qui vivent dans les grandes villes, en fait, perdent énormément en qualité de vie. Elles débarquent en Mayenne, j'ai rien contre la Mayenne, hein, mais ou en Sarthe ou en Bretagne, et en fait, elles n'ont pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, elles sont toutes seules à la campagne, en fait, avec des gens qui ne parlent pas leur langue, c'est très compliqué. Elles sont mises en situation aussi de vulnérabilité, parce qu'en fait, les conditions de vie sont quand même extrêmement difficiles. Donc, ce que je vous disais, vous avez vu, il y a différents endroits en fait, qui sont réquisitionnés pour les centres d'hébergement. Et donc, il y a des endroits où, en fait, ça va être des écoles. Voilà, la mairie est de gauche. En fait, ils vont les prendre en charge. Il va y avoir des activités qui vont être mises en place. Il ne va pas y avoir... Enfin, les femmes espagnoles vont pouvoir faire ce qu'elles peuvent et ce qu'elles veulent. À l'inverse, il y a des endroits où ça devient, c'est des mini-camps en fait. Il y a des fois où elles sont parfois jusqu'à 1000 dans une ancienne caserne désaffectée, gardées par des gardes mobiles. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des conditions qui sont extrêmement, extrêmement dures. Je vais vous dire des témoignages de... Enfin, des comptes rendus en fait. Il y a des associations, notamment la Centrale Sanitaire Internationale, qui vont petit à petit vont faire le tour de tous les centres d'hébergement. Enfin, pas tous, je pense, ils n'ont pas le temps, mais faire le tour de beaucoup de centres d'hébergement en fait et qui vont envoyer les comptes rendus au ministère de l'Intérieur français en disant « Mais regardez, en fait, là, c'est juste pas possible, il faut envoyer des médecins en plus, etc. » Et donc, on a des situations sanitaires qui sont extrêmement différentes. Par exemple, dans le Morbihan, alors le camp du Palais, qui est sur Belle-Île, 499 réfugiés, dont 237 enfants, 250 femmes et 12 hommes. Là, c'est pour vous montrer un peu le ratio homme-femme, hein, on le retrouve un peu partout. Au passage de notre dispensaire, on a relevé 10 varicelles, 10 rougeoles, 10 diphtéries, 8 typhoïdes, 2 coqueluches, sans parler des galles et des poux. Il y avait déjà 45 décès. Ils logent dans une usine désaffectée. Ils dorment sur des planches et des paillasses qui ont besoin d'être changées d'urgence car elles sont un véritable danger pour les enfants. Ils manquent presque totalement d'eau. Ils reçoivent par famille 2 litres d'eau par jour pour la boisson et la toilette. Nous avons attiré l'attention du préfet sur ce camp et demandé son évacuation. Le préfet nous a répondu qu'il ne disposait pas d'autres terrains et ne pouvait faire suite à notre demande. À quelle date, ça? Ça, c'est en... c'est au début 39. Enfin, c'est au début de... C'est au printemps 1939, ouais. Bah, après, un petit peu... Enfin, après 2-3 mois sur place. Dans Lyon, par exemple, camp d'Auxerre, camp de 90 Espagnols, parmi lesquels à peu près 55 enfants, état sanitaire affreux, il n'y a pas de médecin qui s'occupe régulièrement. Presque tous les enfants ont la gale, il y a des cas de tuberculose et de pneumonie. Deux malades dorment dans un même lit, et ceux atteints de gale sont mêlés aux autres malades. Les enfants sont sous-alimentés et sales par manque d'hygiène et de vitamines, une seule salle pour 90 personnes. Et dans certains centres, il y a des situations qui sont bien meilleures, par exemple en Seine-et-Marne, nombre total de réfugiés, 260. Comme médecin local, le docteur de Lacroix de Meaux s'occupe personnellement du camp. Il fait chaque jour des visites régulières. En conséquence, l'état d'hygiène sanitaire des réfugiés est bon. Tous les cas de gale et de poux ont été supprimés dès le début par désinfection des camps et hospitalisation des malades. Le commissaire de la sous-préfecture est lui-même administrateur du camp. L'impression générale est très bonne. Ce qui manque surtout, ce sont des chaussures. La direction des services d'hygiène de Seine-et-Marne vient nous adresser une demande importante de sanitaire pour ce camp, de matériel sanitaire pour les camps. Donc ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment des situations. En fait, il y a des endroits où c'est plutôt pas mal et des endroits où c'est un peu catastrophique. En fait, ça amène quand même toujours les femmes dans une situation, la plupart du temps, à devoir, dans tous les cas, solliciter en fait, les autorités pour obtenir à manger, pour obtenir pour leurs gamins des vêtements, etc. Donc ça les met de fait dans une posture de soumission qui est quand même hyper problématique pour elles, en fait, d'avoir... Voilà, l'idée, c'est de ne pas pouvoir se rebeller, de ne pas pouvoir parler trop fort, en fait, pour réussir à obtenir un minimum de vie décente. Juste une parenthèse, Pepita Capena, que tu cites dans la bibliographie, c'est la première chose qu'elle a demandé, elle ne parlait pas un mot de français, vous savez ce que c'est ? C'est dictionnaire. Un dictionnaire. C'est ça. Pour pouvoir communiquer avec... Alors, ils étaient relativement bien accueillis, c'était dans le Gard ou l'Hérault, Clermont-l'Hérault. Et le maire, bon, c'était un gars qui s'est de gauche, et qui s'est un peu bien occupé d'eux, et elle n'a pas demandé de la bouffe, tout ça, le dictionnaire. C'est quand même symptomatique. Ah oui, mais elles sont... Oui, elles et elle va se marier, là. Après, oui, oui. Mais là, c'est la suite. Oui, c'est la suite. C'est elle va rester là-bas. Et alors, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, il y a des règlements intérieurs qui sont mis en place dans les centres d'hébergement. Et c'est là qu'on voit aussi la différence. C'est-à-dire, soit le règlement intérieur, il est imposé par l'administrateur du camp. Donc l'administrateur, ça peut être le maire, ça peut aussi être le sous-préfet, ça peut être un volontaire de la commune, mais ça peut aussi être plus ou moins personne. Ça dépend un peu comment ça s'organise sur place. Et donc, il y a différents règlements. L'idée, c'est quand même de montrer aux Espagnols qu'il y a des règles à respecter, etc. Donc, ça va être sur les horaires de sortie, ça va être sur comment on nettoie les locaux, etc. Et ça, c'est un peu variable en fonction des espaces. Et il y a ensuite, ce qui va être compliqué pour les femmes, elles, ça va être les violences physiques et les violences sexuelles, parce que du coup, évidemment, il y en a quand même beaucoup. Ça commence par les fouilles. Clairement, en fait, elles vivent très mal les fouilles dès l'arrivée. En fait, elles n'ont pas le temps, pour la plupart, en fait, d'être prises en charge sanitairement au moment du passage de la frontière, parce qu'elles sont trop nombreuses. Donc, il va y avoir un deuxième sas sanitaire qui va être mis en place à l'arrivée dans les préfectures. Et en fait, une des réfugiées, la Teresa Pamiès, elle raconte ça très, très bien. Le souvenir qu'elle a de ce passage-là dans ce sas sanitaire... Je vous lis son témoignage. « Je n'oublierai jamais les cris des petites vieilles, obligées comme nous qui avions 20 ans, à s'exhiber à poil devant les gendarmes, les docteurs, les auxiliaires et les bureaucrates, chargés de veiller à la santé publique de la douce France. Femmes espagnoles qui ne s'étaient jamais montrées nues, y compris dans l'intimité conjugale. Femmes au corps flétri et déformé par les années, les accouchements, le travail physique démesuré et une guerre de 32 mois, qui en a laissé beaucoup avec juste la peau sur les os. Femmes parmi lesquelles il y en avait une avec un enfant dans le ventre, un ventre profané par les regards obscènes ou répugnants. Enfant pas encore né et déjà fiché en tant que réfugié espagnol. Gosse engendré par un amour de guerre, enfiévré et bêté, par un acte d'amour humain fait à la va-vite, peut-être sous les bombes, peut-être au milieu des blés non moissonnés du dernier été de la guerre d'Espagne. Tout cela devant les yeux des enfants, les fils ou petits-fils de ces femmes humiliées. On les avait désinfectées avant et elles étaient assises sur des bancs, accrochées au mur de l'hospice, où elles étaient rangées comme du bétail d'importation. Et ça, elles sont plusieurs à leur raconter en fait cette obligation-là de se déshabiller devant les gendarmes français, etc. Donc il y a énormément de difficultés. Et alors, il y a des témoignages de femmes qui racontent effectivement que dans les centres d'hébergement, en fait, il y a des mecs qui essayent de rentrer, des hommes du village, en fait, pour aller voir si elles peuvent pas se faire une femme espagnole un peu facile, etc. Surtout avec la représentation qu'on se fait d'elles, hein, les femmes militantes, en fait, filles faciles, etc., toutes prostituées. Donc il y a beaucoup de tentatives. notamment dans les camps aussi, pour le coup, alors qu'ils sont gardés. En fait, là, normalement, ce sont des camps, des espaces qui sont fermés, mais justement, les abus, là, pour le coup, vont venir des gardes eux-mêmes. Il y a, du coup, un des médecins du camp d'Argelès qui raconte que les sévices exercés sur les internés ne sont pas exceptionnels et des scènes pénibles se passent à l'intérieur des îlots. Surtout dans les baraques de représailles, causant parfois des plaies graves nécessitant l'hospitalisation et mettant en danger les jours du délinquant, qui souvent n'est pas que de peccadilles. Donc pour le coup, les violences, elles sont aussi à l'encontre des hommes. Il n'existe pas de contrôle qui garantisse un minimum de justice aux internés. Il y en a qui, devenue la bête noire de quelques gardes, mène une existence lamentable sans pouvoir recourir à aucune autorité supérieure. On comprend aussi les conséquences pénibles des excès de pouvoir de se rendre coupable des surveillants qui ont la faculté de se présenter à toute heure du jour, mais aussi de la nuit, avec l'autorité qui s'attache à leur fonction dans les baraques des femmes. Le nombre de jeunes et même de très jeunes filles enceintes, sans être catastrophiques, augmente cependant dans les derniers mois. On ne peut pas toujours incriminer dans ce cas un relâchement de mœurs, imputable aux seuls internés. Il est certain que la conservation de la vie familiale protégerait davantage le moral et les mœurs de cette population que le régime qui se base sur la crainte et la force. Donc il y a en effet beaucoup de cas de viol et d'abus sexuels qui sont faits dans les camps, notamment à Argelès. Voilà. Donc je vous disais, il y a aussi, parmi les autres dispositifs coercitifs et les violences en fait étatiques qui sont mises en place de manière consciente ou inconsciente par les autorités françaises, c'est donc le transfert dans les camps. Hein, dès que les femmes elles font trop de bruit, dès qu'elles se mobilisent trop dans les centres d'hébergement, en fait qu'elles sont trop remontes, bah, du coup on leur dit bah, puisque c'est comme ça vous allez être internées dans les camps. Donc il y a c'est les fameux transferts en fait au camp de Rio Cross qui sont faits sur des enfin, pour des raisons parfois qui ne sont pas du tout réelles. Mais en fait, on considère que ce sont des mesures disciplinaires. Et il y a aussi, en fait, là où les autorités françaises abusent de leur force et de leur pouvoir, c'est aussi dans le cadre des rapatriements. Donc, ce que je vous disais, les rapatriements forcés. En fait, sur les premières semaines, au moment où les réfugiés espagnols arrivent en France, la majorité des rapatriements, ça va être des rapatriements masculins. En fait, ça va être tous les hommes qui vont rester dans les centres de transit, là, donc dans les champs à ciel ouvert, et en fait, qu'on va renvoyer sans même leur demander leur avis, en fait, en Espagne. Et en fait, ça arrive aussi pour les femmes. Et en fait, la plupart du temps, en fait, on ne le dit pas aux femmes qu'elles vont être rapatriées en Espagne. En fait, on considère qu'on n'a même pas besoin de leur demander si elles sont d'accord ou pas, puisque selon les autorités françaises, elles ne craignent rien à retourner là-bas. Sauf qu'en fait, il y a plein de femmes qui risquent concrètement leur vie aussi. Et donc, en fait, ça va créer des abus énormes. Donc, il y a quelques témoignages de femmes qui racontent justement qu'ils nous ont mis. Alors, je vais trouver celle où. En fait, la plupart du temps, ils disent bah, « on va vous changer de camp ». Le centre d'hébergement, il ferme, donc vous montez dans le train, on vous change de centre d'hébergement. Et en fait, ils ne le savent pas, en fait. Donc Rose, elle raconte « on est venu nous sortir du garage avec des camions, ils nous ont fait la tournée dans tous les villages par où ils nous avaient répartis, ils nous ont ramassés à nouveau ». Et c'est là justement qu'il y a eu des protestations. Si on n'avait pas protesté, certainement qu'on se serait retrouvé en Espagne sans nous avertir. On a passé 2 jours dans le train, et dans ce train-là, il y avait des femmes qui avaient une carte de France, et à mesure que le train passait dans les grandes villes, on regardait, on s'est rendu compte qu'on allait vers l'Espagne. Et comme à ce moment-là, il y avait quelques journaux espagnols qu'on pouvait avoir, et on a su que, du côté du Pays Basque, un de ceux qu'on voit s'était retrouvé en Espagne sans l'avoir demandé. Alors nous, on a jeté tous nos bagages, tous les paquets qu'on a pu, à travers les trains. On est arrivé à Perpignan, et les gendarmes nous ont dit, quand on était à la gare, de remonter dans le train, et que quand il se ferait jour, ils nous diraient exactement où est-ce qu'on allait. Et quand le jour est arrivé, les gendarmes ont passé dans tous les wagons et nous ont demandé si on voulait revenir en Espagne et que celles qui voulaient revenir pouvaient rester dans le train, les autres, il fallait qu'on aille dans un camp de concentration. Et donc c'est à ce moment-là, au moment où ils ferment les centres d'hébergement, qu'en fait, ils foutent toutes les femmes dans le train, ils se disent « Ok, Espagne ». Et en fait, celles qui gueulent, elles ont la chance, entre guillemets, d'aller dans les camps de concentration. En fait, tout ça pour vous dire que du coup, là, j'ai passé rapidement, mais en fait, il y a plein d'emprises. En fait, les mesures d'emprise des autorités françaises sur les femmes espagnoles, en fait, ça passe par plein de petites choses. Ça peut être donc une emprise sexuelle, physique, violente, mais ça peut aussi être en fait par des biais qui vont être beaucoup plus subtils, entre guillemets, plus symboliques, que ce soit le refus de donner des informations, en fait, le refus d'échanger. Il y a aussi beaucoup de femmes qui racontent dans les centres d'hébergement les premiers mois, en fait, quand elles envoient des courriers donc dans les camps de concentration pour avoir la trace de leur conjoint. Et en fait, les gens répondent, et en fait, le facteur arrive dans les centres d'hébergement en disant « Bon, bah, j'ai du courrier pour un tel, un tel, un tel, par contre, il faut me payer le timbre, sinon je ne vous donne pas la lettre. » Et ils repartent, en fait, sans donner la lettre aux femmes espagnoles. En fait, c'est des violences, en fait, qui sont hyper fortes, quoi. Enfin, c'est ça. C'est tout à fait. Et tout ça pour dire qu'au final, bah, les femmes, elles ont, en fait, à travers les témoignages et ce que j'ai pu retrouver dans les archives, en fait, elles ont vraiment énormément de dispositifs de résistance. En fait, elles mettent en place vraiment une pluralité d'actions, en fait, pour s'opposer, pour refuser, en fait, de se soumettre aux injonctions étatiques. Et ça, en fait, elles s'opposent, alors que ce soit seule ou en groupe, que ce soit consciemment ou inconsciemment, en fait, elles ont plein de modalités de résistance possibles. Déjà, pour garder le contact, ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles se travestissent. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vont décider de garder, en fait, les habits de miliciens, notamment au camp du Vernet. En fait, il y a des femmes qui sont restées plusieurs mois internées avec leurs conjoints, en fait, parce que les autorités françaises ne voyaient pas, en fait, n'avaient pas repéré que c'était des femmes. Plusieurs techniques, donc là elles ont été pro pour les techniques pour se procurer des timbres, mettre du savon pour pas que ça colle, pour que ça puisse être enlevé, etc. Pour le tampon, utiliser les enfants en fait pour aller récupérer de l'argent pour pouvoir les timbres. S'aider entre réfugiés, donc par exemple Sarah Berenguer, elle n'est pas internée dans les camps de concentration en fait, mais par contre elle est hébergée par sa tante dans la région de Béziers, et en fait elle va donner son adresse à un maximum de monde au passage de la frontière, et en fait ça va vraiment être un espace où elle va échanger des centaines et des centaines de courriers, elle va permettre en fait l'envoi et faire en sorte que tous les réfugiés, que beaucoup de réfugiés espagnols se retrouvent. En fait, c'est vraiment garder contact, c'est vraiment une technique de survie qui est vraiment primordiale pour les femmes. En fait, c'est la première chose qu'elles vont mettre en œuvre les premières semaines, elles vont consacrer toute leur énergie à ça, en fait, à essayer de se retrouver. Elles vont chercher un maximum la possibilité d'avoir une certaine autonomie, une certaine liberté. Donc, que ce soit par le travail, en fait, je vous disais qu'en fait, légalement, en fait, elles ne sont pas autorisées à avoir du travail avant 1940. Mais en vrai, dès les premières semaines, dans les centres d'hébergement et dans les villages français, en fait, il y a des nanas qui vont dire bah, est-ce que tu veux venir coudre, ramasser des fruits, etc. Donc, en fait, elles se débrouillent comme ça. Elles s'évadent beaucoup. Ce sont des sorties ou des évasions, ça dépend dans quel cadre on est. Dans les centres d'hébergement, en fait, il y a des voilà, les militantes politiques françaises ou les responsables syndicaux vont les emmener au bord de la mer, etc. Enfin, donc ils sortent des zones communales. Mais dans les camps aussi, au camp du Holocauste, il y a énormément de femmes qui s'évadent, et elles s'évadent à la journée, en fait, concrètement, parce qu'elles ont vite compris que sans laisser passer en plein cœur de la Lozère, elles n'allaient pas aller très loin, et en plein hiver, ce n'était pas très pertinent. Par contre, elles s'évadent parce qu'elles sont le camp, il est à 3 km en fait de Mende, qui est voilà, la préfecture, donc elles vont à la journée se balader dans Mende, acheter des journaux, écouter la radio, etc. Et en fait, elles reviennent au camp pour raconter aux copines bah, tout ce qu'elles ont entendu, où est-ce qu'on en est au niveau de la guerre, est-ce qu'il y a des infos, etc. Une des armes qu'elles utilisent le plus, en fait, c'est l'humour et l'ironie, c'est comment faire en sorte, en fait, quand on est obligé de rester cloîtré dans un endroit pendant des semaines, des mois sans avoir d'infos, bah, comment est-ce qu'on fait pour résister à tout ça? Et en fait, elles sont là-dessus, elles développent énormément de registres de résistance, et donc il y a des témoignages, je ne peux pas m'empêcher de vous lire celui-là parce qu'il est assez génial, sur comment en fait elles détournent leurs conditions de vie en fait pour survivre. Donc là c'est une des Maria Grosseta qui raconte en fait qu'elle arrive dans la ville de Troyes, c'est au même moment où en fait le racontait Teresa, quand elles se font mettre à nu pour la visite médicale, elle raconte qu'au bout de cette sorte de chaîne médicale, on nous donna tout de même de quoi nous couvrir, les habits du théâtre de la ville de Troyes. On assistait alors à un défilé de marquises, arlequins et bergères. Ma mère avait une grande robe à traîne avec décolleté plongeant dans le dos, très début du siècle. On se faisait des révérences, on plaisantait, on disait qu'on allait sûrement nous loger dans des châteaux, qu'on nous préparait un festin, que tout serait merveilleux, que le reste n'était qu'un mauvais cauchemar. C'était un moment hors du temps où chacun s'amusait à se figurer autre, à s'imaginer ailleurs, à oublier par la magie d'un vêtement un instant porté l'exode et le malheur. Chacun s'inventa son propre conte de fées avec un humour communicatif, celui qu'on s'invente comme une arme dans les situations les plus tragiques. C'est ainsi que dans les moments les plus tristes, la meilleure défense pour ne pas sombrer, c'est encore la dérision et l'imaginaire. Puis chacun retrouvera ses vêtements dans les cabines respectives, les vrais ceux-là. En fait, ça c'est hyper important. Et en fait, l'humour et l'ironie, mais aussi l'importance de l'art, ça a été primordial pour que les femmes elles puissent résister, et notamment dans les camps, où les conditions étaient quand même beaucoup plus dures que dans les centres d'hébergement. Il y a énormément de chants, il y a énormément de théâtres, d'expositions qui sont montées. Les chants, c'est génial, parce que Rosa, elle le raconte très bien, l'interaction qu'elle a avec un des gendarmes au camp d'Argelès. Il dit, le gendarme, il dit, donc, quand on était au camp de concentration, il y avait des gendarmes, on était gardés par des gendarmes. Il y en avait un peu âgé qui disait, vous êtes quelque chose, les Espagnols. Vous êtes là, vous avez tout perdu, vous avez rien, et puis vous avez envie de chanter encore. Et les jeunes, on lui disait, et quoi faire? Se casser la tête contre le mur? Mais il n'y avait pas de mur. Donc bon, on chantait. Il y avait des basques, tout un groupe dans ma baraque qui chantait très bien les chansons. Et quand il faisait nuit, on ne pouvait pas allumer, donc on ne pouvait pas lire, on ne pouvait pas écrire, alors on chantait. En fait, elles sont... Voilà, elles utilisent vraiment... Il y a à Argelès, il y a des pièces de théâtre qui sont montées par des femmes, il y a énormément de représentations, et enfin, ça rappelle de toute façon toute l'importance de la culture, notamment dans le milieu anarchiste espagnol, à ce moment-là, en fait, qui est vraiment un vecteur de politisation important. Il y a énormément de... Au camp de Rio Cross, donc ce sont les femmes les plus politisées, mais du coup aussi celles qui sont considérées comme les plus suspectes, donc on a énormément d'artistes, parce qu'aussi il y a beaucoup d'antifascistes allemands hein, qui quittent le Reich donc, et qui viennent se réfugier en France, qui sont internés, donc on a énormément d'artistes qui ont beaucoup documenté la vie du camp, donc il y a enfin, ça, tous ces dessins-là, en fait ils sont aux archives départementales de la Lozère et ils sont accessibles en ligne si vous les regardez, il y a énormément de dessins qui sont accessibles et c'est génial, on a vraiment une vie, la vie quotidienne en fait telle qu'elle s'organise dans les baraques et ça participe aussi d'un dispositif de résistance qui est important à souligner selon moi même si ça peut paraître totalement anodin mais c'est aussi le rapport au corps, le rapport à la dignité individuelle, comment est-ce qu'on va continuer à prendre soin de soi en fait et soin de l'autre en fait dans un cadre coercitif alors que en fait on a tout perdu que concrètement le camp du Rio Cross, les conditions en fait elles sont extrêmement dures, il y a très peu d'eau, c'est en montagne, il fait très très froid dans les baraques et en fait les femmes elles vont tout faire pour rester dignes et pour prendre soin d'un foyer qui va être un foyer élargi. Hein. Il va vraiment y avoir des communautés qui vont être mises en place par des femmes qui vont se retrouver sur le plan politique, puisque bon, vous n'êtes pas sans savoir que du fait de la guerre d'Espagne, il y a aussi énormément de tensions, et qu'en fait, les anarchistes vont se retrouver, les communistes aussi, ça va... Voilà. Un autre dispositif de résistance que moi j'ai souligné dans mon travail, c'est les dispositifs d'énonciation. C'est la manière dont finalement les femmes, à force d'être séparées des hommes, en fait, ne vont pas avoir d'autre choix que non seulement de se prendre en charge, mais en fait d'apparaître et de se positionner comme des chefs de famille. Donc face aux autorités françaises, en fait, elles vont apprendre à prendre la parole, elles vont apprendre à revendiquer des choses, en fait, alors même qu'avant ça passait plutôt par le vecteur masculin. Et donc, elles vont apprendre à s'exprimer collectivement et donc prendre conscience aussi de la puissance du groupe et du groupe non mixte et de ce qu'elles peuvent faire en tant que femmes ensemble dans le cadre d'un espace un peu coercitif. Un point sur lequel elles insistent beaucoup, que ce soit dans les centres d'hébergement et dans les camps de concentration aussi, c'est le rapport à la scolarisation, au savoir, donc ce que tu disais sur le besoin tout de suite en disant, en fait, elle raconte très rapidement, là je ne le dis pas parce que je parle, c'est trop longtemps que je parle, mais... Elles disent qu'en fait, très vite, elles disent « Ok, merci pour les vêtements, merci pour les chaussures. Par contre, est-ce qu'on peut avoir des cahiers? Est-ce qu'on peut avoir des livres de grammaire? Est-ce qu'on peut avoir des livres de français pour en fait apprendre puisqu'on ne sait pas combien de temps on va rester chez vous? Est-ce qu'on peut avoir des infos ?» Et voilà, avoir du matériel pour apprendre. Et aussi, de l'auto-formation entre adultes. Par exemple, au camp du Rio Cross, il y a un emploi du temps qui est... une école qui est montée, et y compris pour les adultes, où en fait, du coup, il va y avoir... les femmes vont raconter vraiment l'histoire, donc ça va être une histoire de l'Allemagne, l'histoire de l'Italie, enfin, il va y avoir plein de choses, il va y avoir des cours de langue, il va y avoir des cours de sténographie, il va y avoir énormément de choses, et ça va être, c'est-à-dire 1h30 de cours par jour, etc., c'est très très important. Une des femmes que j'ai interviewées me dit qu'elle a passé son bac au camp du Rio Cross, et que c'est là qu'elle a tout appris, quoi, c'était vraiment hyper important pour elle. Et en fait, il ne faut pas oublier que pour le coup, beaucoup de ces femmes sont aussi, donc restent politisées et ont une vraie implication militante d'avant leur passage en France, et qu'en fait, elles vont réutiliser là cette expérience politique en fait, dans les centres d'hébergement et dans les camps. Donc il va y avoir évidemment des actions politiques qu'on va considérer comme plus traditionnelles. Hein. Il va y avoir de la reconstruction de groupes et de cellules politiques, anarchistes notamment, des jeunesses socialistes unifiées, etc. Il va y avoir beaucoup de discussions, surtout sur les premiers mois, et aussi notamment au moment de la signature du pacte germano-soviétique. Alors ça a été l'angoisse pour tous les gardes dans les camps, je pense, parce qu'ils se sont tous foutus sur la tronche entre anarchistes et communistes, en fait. C'était totalement inenvisageable pour eux, ça a été très compliqué. Et du coup, une des femmes me raconte sur le camp du Rio Cross qu'il régnait une atmosphère très très très lourde. Il y avait la baraque des Espagnols, si vous voulez, donc à moitié anarchiste, à majorité anarchiste, militants des partis de gauche, etc., très violemment anti-staliniennes, et puis les étrangères intellectuelles, notamment allemandes, qui n'osaient pas, à cette époque, revendiquer leur qualité de communistes parce qu'il y avait le pacte germano-soviétique dont elles avaient tellement honte qu'elles ne pouvaient pas dire ouvertement « je suis communiste », sans cela, les Espagnols les auraient étriquées. Voilà. Donc c'est très compliqué. Et il y a aussi des révoltes spontanées qui ont lieu assez régulièrement dans les centres d'hébergement, mais aussi dans les camps, quand on arrive à une situation où en fait les femmes considèrent que c'est plus du tout acceptable, que ça soit pour des problèmes de vie quotidienne, d'abus sexuels ou aussi de problèmes politiques. Donc, par exemple, je vous dis quand même le témoignage d'une des femmes qui raconte ce qui s'est passé quand un Français a voulu rentrer dans la baraque dans le centre d'hébergement des femmes espagnoles. Ce qui est arrivé un jour, c'est qu'il y a un type qui rentre. Il a sauté par-dessus le mur, il est entré dans le pavillon où on dormait. Il était au lit. On était au lit, et une dame qui était du village de chez moi, qui était insomniaque, qui ne dormait jamais, et parfois, elle passait la nuit à se promener dehors. Ce jour-là, elle était dedans, et c'est dedans qu'il est allé ce type. Il était comme ça en train de regarder les femmes qui dormaient, et une dame voit l'autre là, et elle commence à crier. Mais alors ce cri, je l'ai toujours là. Ça commence à crier dans les autres pavillons, on ne savait pas ce qui passait, mais tout le monde criait pareil. Tout le monde est sorti dehors, et lui aussi. Mais on l'a tapé, les femmes, les unes elles le tenaient, les autres elles le cognaient, avec des bâtons assez gros, et avec ça on lui tapait partout, mais partout. Et les autres qui ne pouvaient pas le cogner, jetaient du gravier et lui lançaient comme ça. Alors quand les responsables sont sortis, qui ont entendu tout ce bruit, ils ont appelé la police, et de là, il est parti à l'hôpital. Et le lendemain, dans la dépêche, il y avait toute une « Méfiez-vous, vous n'allez pas vous frotter aux Espagnols. C'est clair. Il y a aussi énormément de révoltes au moment des rapatriements forcés, donc c'est ce que je vous disais. Ça, je les ai déjà lus. Donc, sachant que bon, les rapatriements, quand les femmes. Ce qui est intéressant, c'est quel dispositif elles mettent en place, notamment au sein des centres d'hébergement, pour refuser le rapatriement. En fait, il y a un moment donné, dans certains départements, les autorités françaises, elles arrivent en disant ils font des entretiens en fait, avec les Espagnols, une par une, pour savoir si les femmes accepteraient d'être rapatriées en Espagne. Bon, déjà, c'est assez intéressant d'imaginer qu'une femme espagnole toute seule puisse se sentir libre de dire ce qu'elle veut face à deux gendarmes français. Mais bon, ça, c'est les conceptions à l'époque. Et en fait, moi, je suis tombée sur des villages dans le Morbihan, en fait, où il y a, par exemple, 90% des femmes qui acceptaient le rapatriement. Et d'autres où, en fait, elles étaient toutes... Le compte rendu en fait du commissaire à l'époque, c'est de dire non, bah là en fait elles sont sur 55 femmes, il y en a 54 qui ont des responsabilités politiques. Et je me suis dit, purée, mais pourquoi est-ce que les femmes qui se retrouvent avec des responsabilités politiques se retrouvent dans le même village? Et je trouvais ça, ça m'a beaucoup questionnée. Et en fait, il y a une des femmes après qui m'a raconté que, qu'en fait, pas du tout. Mais qu'en fait, il y en a une qui a dit, les filles, dites que vous avez eu des responsabilités politiques en Espagne et en fait, on vous renverra pas. Et donc, en fait, du coup, l'idée, c'est de se dire, racontez, c'est des dispositifs de dire, on dit toute la même chose, en fait, plus ou moins, mentez, en fait, n'ayez pas honte. Et donc, ça participe, en fait, d'un dispositif de résistance aussi, de se dire, on va refuser cette manière-là. Donc, tout ça pour dire, je terminerai là-dessus, qu'en fait, toutes ces manières, en fait, tout ce que j'ai pu voir de comment les femmes ont résisté, en fait, ces différentes manières de résister, à l'accueil coercitif qui leur a été fait, en fait, ça m'a interrogée sur la définition, en fait, ce qu'on appelle un acte politique, un acte militant. En fait, est-ce que ça doit forcément être dans un cadre institutionnel? Est-ce que, en fait, ça doit forcément être quelque chose de violent? Est-ce que ça doit forcément être dans un espace politique reconnu? Et en fait, moi, je me suis beaucoup aidée des réflexions d'un politologue, en fait, James C. Scott, et j'ai vu que vous aviez son bouquin qui est hyper bien, qui s'appelle « La domination et les arts de la résistance », en fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé sur les micros, en fait, ce qu'il appelle l'infra-politique des dominés, c'est-à-dire comment des... population considérée comme subalterne, en fait, que ce soit les femmes, lui, c'est beaucoup intéressé aux esclaves en Amérique latine. Comment, voilà, il est là, le bouquin, il vient d'être réédité. Vraiment, je vous conseille, en plus, il est gros, mais il se lit hyper bien. Ces groupes de population-là, en fait, vont pouvoir résister. Et en fait, quelles sont les modalités qu'elles utilisent, en fait. Et en fait, c'est penser le spectre de la résistance de manière beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude de penser dans un cadre habituellement forcément violent et forcément masculin. Donc c'est tout prendre en considération, tout ce qui est de l'ordre de l'insubordination invisible. Lui, par exemple, il parle du carnaval comme d'un moment en fait vraiment important de résistance où en fait on va renverser un peu les choses. Et en fait, moi, je me suis beaucoup posé la question de comment on peut faire advenir en fait à l'écrit, comment est-ce qu'on peut rendre visible finalement tous ces actes un petit peu cachés d'insubordination, parce que les femmes, là pour le coup, dans le cadre de l'internement, que ce soit dans les camps ou dans les centres d'hébergement, elles mobilisent énormément en fait des dispositifs d'insubordination en fait pour s'opposer à leur tutelle étatique, mais qui ne vont pas être des dispositifs considérés comme des actes politiques habituels. Et en fait, je pense qu'il faut aussi repenser vraiment la définition des actes de résistance en fait. parce que pour le coup, les femmes, elles utilisent, en fait, dès qu'elles sont trop politisées, elles apparaissent hors cadre, et en fait, elles sont décrédibilisées, en fait. C'est-à-dire que quand elles sont trop politiques, on va dire non, mais en fait, elles sont complètement hystériques, etc. Donc, on dépolitise leurs actes. Sinon, en fait, on les cache aussi pour les protéger. C'est le cas de militants hommes qui vont, en fait, avoir tendance à protéger leurs camarades militantes, en fait, pour leur éviter la prison, etc. Donc, la plupart des mobilisations, en fait, politiques des femmes, la plupart du temps, elles sont invisibles. Et pourtant, elles sont extrêmement politisées. C'est Myrtille, les gyménologues qui ont bossé là-dessus aussi, elles racontent bien. Dès le début du XXe siècle en Espagne, il y a énormément de révoltes, en fait, de manifestations, notamment à Barcelone, qui sont mises en place par des femmes et qui sont les premières, en fait, à se mobiliser. Donc il y a vraiment ce rapport-là. C'est important de reprendre ça en compte. Et en fait, moi, dans le cadre de cet exil-là, en fait, du focus que j'ai fait sur ces femmes-là, en fait, je pense que c'est vraiment hyper important de montrer que par différents moyens, qui ne sont pas forcément des moyens politiques habituels, en fait, elles réaffirment, ces femmes-là, par la parole, par le geste, une puissance d'agir, en fait, qui a été totalement déniée par le gouvernement français, mais aussi par les historiens derrière, en fait. Et pour moi, c'est la conclusion de mon travail. Je pense que c'est hyper important de reconsidérer ces femmes espagnoles réfugiées comme des protagonistes politiques de premier ordre de l'exil espagnol, parce qu'en fait, ce sont elles aussi qui vont être à l'origine de la reconstitution de cellules par la suite, de groupes politiques, et qui vont continuer le combat. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on a trop souvent oublié. Et voilà, moi, c'est ce pourquoi j'ai fait ce travail-là, pour rendre visible un peu tous leurs actes de résistance, en fait, dans le cadre de cette prise en charge coercitive française. Voilà. Effectivement, l'intérêt de ton travail, avec quelques témoignages, c'est d'avoir fait une synthèse un peu à partir des témoignages, de montrer ce qui peut être leur vie. Il n'y avait pas de travail de fond, je crois que c'est le premier travail sur le sujet, donc je vous encourage à lire ce bouquin. Elle nous a dit beaucoup, mais il y en a encore plus dans le livre. Alors, sachant que... Ah oui, le bouquin, il a été publié par... Tour, parce que tout le monde a considéré que c'était pas nécessaire de publier un pari sur les femmes. Voilà. Je ne dis rien sur les presses universitaires du Mirail, mais je n'en pense pas moins. Donc Tour, eux ont considéré que c'était... Et en fait, tout ça pour dire que le bouquin, donc, il est cher. Voilà. C'est pas de ma faute et c'est pas de la leur. C'est que, en fait, les presses universitaires, en fait, ont besoin d'être à l'équilibre pour pouvoir continuer à publier des travaux de thèse. Mais en tout cas, ma thèse, elle est accessible en ligne. Là, le travail de le bouquin, en fait, j'ai synthétisé, j'ai enlevé tout ce qui était chiant et j'ai rajouté beaucoup de témoignages. Mais dans la thèse, il y a tout et c'est gratuit. Donc, si vous voulez, si vous voulez lire un truc chiant, c'est gratuit. Si vous voulez lire un truc sympa, c'est gratuit. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des éclaircissements, des témoignages, tout ce que vous voulez? Ou bien sûr. J'ai trois questions. Vous avez interviewé ces femmes en 2008, donc elles avaient au moins 90 ans. Il n'y a plus de survivantes maintenant. Non, je ne crois pas. Parmi les femmes que j'ai interviewées, non, ça c'est sûr. Après, il reste encore quelques survivantes, mais je ne sais pas dans quelle mesure elles sont capables de parler. Et pour celles qui sont restées en France pendant la guerre, elles ont été, je suppose, un peu endettées, non? Toutes les femmes que j'ai interviewées sont restées en France. Hein. Toutes les femmes que j'ai interviewées, je les ai interviewées en France. Pour le coup, j'ai pas. Et c'est un des points que j'aurais pu développer aussi. Moi, j'aurais bien aimé savoir ce qui arrivait aux femmes après leur rapatriement, mais je j'ai pas fait ce choix-là. Alors certaines ont participé à la résistance, du coup, se sont impliquées dans la résistance, et d'autres en fait ont été, ont travaillé en fait beaucoup. Elles étaient aussi dans les usines d'armement à Toulouse. Certaines étaient dans les usines Breguet. Ça, il y a eu aussi des femmes qui étaient métayères, à la campagne. Ça a été assez variable. Mais elles sont restées en France. Mais elles étaient pendant la guerre et après. Elles sont restées, elles sont restées, elles se sont intégrées. Oui, c'est ça, elles sont toutes restées en France, celles que j'ai. Et vous disiez que vous l'avez présenté. Mais vous avez fait un film, est-ce que c'est sur ce sujet? Alors, le film qu'on a fait, moi, c'est sur deux réfugiés espagnols qui ont été militants et donc impliqués au moment de la guerre d'Espagne au niveau de la division d'Urruti. Et en fait, qui ont eu le même parcours dans les camps, c'est-à-dire ils sont passés par les mêmes endroits, mais ils n'ont pas du tout le même rapport à leur mémoire, en fait. Et le film, l'objectif, c'était de suivre on a voulu suivre les deux, ramener les deux réfugiés, en fait, sur le sur les endroits où ils ont été internés. Et en fait, il y a un des deux qui a finalement refusé de revenir parce que c'était trop compliqué pour lui. Donc en fait, on a fait dialoguer, si vous voulez, les deux réfugiés parce qu'en fait, ils ont un rapport à leur vécu et à leur mémoire qui est complètement différent. En fait, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est resté très très militant jusqu'au bout, qui a été à la CNT, etc. Et un autre qui est plutôt parti sur du discours que ils avaient été bien accueillis, mais que c'est peut-être pas plus mal de fermer la porte, qu'ils avaient bien fait fermer la porte derrière eux et que la France peut pas accueillir tout le monde, que c'est un peu compliqué, etc. etc. Donc on a le docu qu'on a fait, c'était un premier film totalement imparfait, et c'était surtout sur comment deux engagements qui sont au début similaires peuvent amener à des positionnements des années après complètement différents. Donc c'était plutôt sur le travail de mémoire. Il y avait une troisième question, c'est bon? Mon étudiant, je disais, ça m'a fait penser à, dans des conditions différentes, à la manière dont, dans différents quartiers de Barcelone, les femmes se sont organisées. Ce sont elles qui ont porté la vie quotidienne et, entre parenthèses, surtout la culture. Et ça, c'était très intéressant. Mais c'est surtout que c'est pas du tout considéré comme quelque chose de politiquement important, alors qu'en fait, moi je pense que c'est à la base de plein de choses en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut repenser en fait ce qu'est un acte politique, parce que sinon c'est toujours les mêmes qui sont sur le devant de la scène et c'est pas forcément ceux qui tiennent les armes qui vont permettre à une révolution d'aboutir en fait. Et je pense que c'est. En général, ça aboutit pas, en fait, pardon. Excusez-moi. Donc, et puis je pensais aussi quand même à ce qu'on sait dans des camps en URSS où on a vu des gens se faire des causeries, se construire dans les boîtes d'allumettes des dictionnaires d'une langue ou d'une autre, parce que c'est ça qui fait tenir. Oui. En 42, en fait, il est fermé, c'est-à-dire il n'est pas fermé, mais il est transférique, c'est-à-dire qu'on ferme, il y a énormément d'épidémies, du coup il est fermé pour raisons sanitaires, et en fait il est transféré au camp de Bruns. Donc ça c'est de Bruns. Donc c'est, en fait c'est le même camp, on transfère les réfugiés en fait, et c'est à côté de Gaillac. Et en fait, il va rester ouvert encore 2 ans, mais c'est le camp répressif qui ferme, enfin, celui de Recon qui ferme, mais voilà, on transfère juste les femmes à France. Justement, il n'y a pas des déportations, là, avec le camp Alors, il y a des commissions allemandes qui débarquent pour récupérer en fait les antifascistes pour les déporter en Allemagne, effectivement, mais ça ne concerne pas les Espagnols pour eux. Oui. Est-ce que ça a été mesuré l'impact des femmes espagnoles qui étaient quand même assez politisées avant de venir les camps, quand elles sont restées après en France pour les années d'après-guerre, ou conscientes de cellules anarchistes ou communistes, ou est-ce que ça a été mesuré l'impact? Est-ce qu'elles ont eu, il y a eu j'ai envie de dire, c'est sûr que oui. Je sais qu'il y a une étudiante qui est en train de faire sa thèse sur la suite. En fait, c'est-à-dire qu'elle bosse sur les femmes réfugiées espagnoles en France après 45. Donc, quand son travail sera fini, ça sera intéressant. Mais c'est sûr, enfin, en tout cas, c'est sûr. Après, on n'a pas de chiffres ni rien, ça n'a pas été. Mais clairement, ne serait-ce qu'à Toulouse, par exemple, en fait, elles le disent, les femmes, que très vite, elles reviennent aussi dans le sud-ouest pour ça. Et en fait, il y a une vraie. Vie politique militante et qui est portée autant par les femmes que par les hommes, de la même manière que dans les années 30 en Espagne, les Athénéos, etc., il y avait autant de femmes que d'hommes qui fréquentaient ces espaces, et donc elles alimentent la vie politique et militante à l'époque. Mais c'est compliqué parce qu'il y a eu des contacts avec les militants français, mais d'un autre côté, les militants espagnols, c'était quand même assez entre eux. Quand tu vois les études qui ont été faites sur la vie culturelle, tu vois des salles avec des centaines de personnes, mais j'ai l'impression que c'est des Espagnols. Parce que la pièce de théâtre est en espagnol. Oui, puis il y a quand même l'idée de se dire qu'on finira par revenir en Espagne. Donc il y a aussi, c'est compliqué la question de l'intégration sur le sol français, parce qu'il y a cette idée de se dire, en fait, quand même, on peut espérer retourner en Espagne. En fait, il y a un moment donné où, abandonner cette idée-là du retour en Espagne, c'est hyper douloureux. Donc, je pense qu'il y a cet entre-soi-là qui est maintenu aussi pour ça. Après, il y a des couples mixtes. Après, il y a les enfants qui est ben là le témoignage là, d'Assoucena, qui les jeunes se sont intégrés au mouvement français. Donc il y a eu des répercussions sur les parents forcément aussi. Mais ça faisait du monde hein, quand même, parce que 150, à la fin tu vas dire c'est 150 000 personnes, on va dire que presque tous politisés, donc ça fait un sacré nombre, les anarchistes au moins la moitié quoi. Ça fait du monde, donc on aurait pu penser qu'il y ait eu plus d'interconnexions. Elles ont eu lieu, mais peut-être pas, parce qu'après, quand on est réfugié, il faut aussi fermer sa gueule aussi. Bah, il y a ce côté, pour beaucoup, et c'est ce que disent beaucoup de descendants de réfugiés espagnols, c'est aussi, à un moment donné, ce qui est violent et ce qui est dur à vivre, on préfère le taire. Donc il y a quand même, je pense, moi, sur les descendants de réfugiés que je connais, en fait, il y a au moins la moitié disent que... ils n'ont pas eu d'infos de la part de leurs parents sur ce vécu-là, ce vécu douloureux, où ça ressort très très tard au moment où ça commence à changer. C'est aussi des questions qui sont difficiles à poser. Bien sûr, mais c'est clair. Parce que on était dans une compagnie de travailleurs étrangers, sous une uniforme française, à la frontière des Ardennes. Et c'est vrai que il y avait des amis de ce village qui avaient été déportés à Mauthausen. C'est difficile de poser la question en disant pourquoi tu n'as pas été déporté, ça se fait longtemps. Ouais. Non, mais voilà. Ça, et en fait, il m'a expliqué que c'est une question de chance. Ouais. Ceux qui ont retraité avec l'armée française, après les Allemands s'en foutaient, quoi. Ceux qui sont tombés prisonniers avec les Français, les Allemands faisaient le distinguo entre les Espagnols rouges qui partaient directement à Mauthausen et les soldats français qui étaient en camp de sauvetage. De toute façon, c'est quand même difficile parce que le Nord était sous occupation nazie et la zone Nuno, c'était le plein pouvoir. Enfin, c'était tel, quoi. On a un correspondant, c'est une association qui est dans les Alpes de Provence, ils ont recueilli les lettres d'un gars qui était dans les CTE et avec sa famille qui était dans pas des camps, mais ils étaient dans des villages des Alpes de Provence, donc on a toute cette correspondance, on est en train de la publier sur internet, si ça vous intéresse je vous donnerai les références parce que c'est vraiment intéressant. Et donc au début, il travaillait dans les Alpes de Provence, et puis après, il a été envoyé sur le front de l'Est, du côté de Belfort et tout ça. Et là, il est tombé aux mains des Allemands, il a été déporté à Mauthausen, et la correspondance s'arrête parce qu'il est mort là-bas. Et au début, il y a tout. C'est intéressant parce que c'est toute la vie, il prend des nouvelles de ses enfants, il leur donne des conseils, fait ci, fait ça. C'est vraiment très intéressant, et puis bon, évidemment, c'est une correspondance qui se termine là. Oui. Moi j'aurais deux questions. Alors la première question, vous avez évoqué le fait que toutes les tendances politiques étaient mélangées. Et moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si par exemple il y avait des témoignages sur d'éventuelles épurations réalisées par les Stadiniens à l'intérieur même des camps. Ça c'est ma première question. Et même un ou deux, mais juste pour savoir s'il y a des témoignages qui existent pour venir corroborer cette hypothèse. Et ensuite, la deuxième question, c'est apparemment les bornes chronologiques, c'est en 42. J'imagine qu'il y a aussi un rapport avec l'invasion de la zone dite du Haut par l'armée allemande. Donc administrativement, ces femmes, comment ça se passe? Est-ce qu'elles restent sur le territoire de Vichy? Est-ce qu'il y a une prise en main par les autorités allemandes? Qu'est-ce qui se passe? Pour la dernière, oui, elle reste sous contrôle. Enfin, du coup, ça concerne quelques milliers, voire même quelques centaines, donc c'est moins, mais elle reste sous contrôle de Vichy. Après, en effet, il y a ça a des incidences, notamment au camp de Rieseldt, où là, il va y avoir des déportations, en fait, en Allemagne, et pour les Juifs, notamment. Donc il y a des vraies incidences. Pour ce qui est des épurations, moi, au niveau des camps de femmes, j'ai pas trouvé de témoignage de décès, en tout cas. C'est que les relations étaient très compliquées. C'est-à-dire qu'elles se fightaient, elles se battaient, c'était physique, enfin elles allaient jusqu'à se battre. Par contre, en effet, au niveau des camps d'Argelès ou des camps sur la plage Barcarès-Saint-Cyprien, il y a des règlements de compte. Les premières semaines, au moment où en fait il n'y a pas de garde, il y a du règlement de compte, il y a des assassinats dans les camps. Ça c'est clair. Après, vous dire qui est responsable, ça serait, on n'a pas les statistiques effectivement. Attends, mais de fait, oui, il y en a. Ça, c'est en fait, ils sont plus. Il y a eu plusieurs témoignages sur ce qui est sur ce là-dessus. C'est Grégory Tuban qui a beaucoup bossé sur le camp d'Argelès. Si je veux regarder, il a sorti un bouquin là qui s'appelle le camp. Grégory Tuban, en tout cas, TUBAL. Et il est prof à Perpignan. Et en fait, lui, il a eu beaucoup d'infos. Enfin, il a beaucoup fait de recherches sur les camps de Roussillon. Donc, lui, il a ses témoignages. Je pense qu'il aura ses références. Il y a eu des règlements de compte dans les cas. Il y a eu des règlements de compte pendant la résistance même. Oui, bien sûr. Dans les acquis. Et il y a eu des règlements de compte à la libération aussi. Ça continue. La guerre civile dans la guerre civile s'est poursuivie bien au-delà, en France comme en Espagne. Mais quand on veut la saisir, comment le témoignage donc, tu fais pas, c'est ça le problème. Il y a des livres sur les règlements de compte dans la résistance à la libération. Il y a eu dans les Pyrénées-Orientales, on sait qui a été assassiné. Bon, en général, c'est des anarchistes qui ont été assassinés par des communistes. Enfin, les bouquins qu'on a, nous. Hein. C'est bien de préciser. Mais il y a quand même un certain nombre de victimes. Il y en a pas mal. Oui, c'est qu'il y a eu aussi des réunions de suite internes. Oui, sinon, c'est pas drôle. Ça, vous pouvez le faire bien lui-même. Soyez clair. Surtout à partir de la scission en 45. D'autres histoires. Des témoignages ou des gens qui ont eu des histoires de leurs parents. Enfin, nous, ici, on a eu la chance d'avoir Pepita Carpena. Alors, il y a une erreur, là, qu'ils mettent Carpena. C'est la réédition de la brochure qui est une édition libertaire qui a fait une erreur. Elle est dans le livre ? Elle est dans la bibliographie. Ah, je la cherche. Et donc, Pepita, elle est venue, elle avait une vingtaine d'années, elle est passée par Clermont-Hérault, et puis après, elle est venue ici, et elle est restée militante de la CNT toute sa vie, et de Mouret-Bresse Libresse. Et elle a fait des conférences pour Mouret-Bresse Libresse, les femmes libres, c'était un mouvement d'émancipation des femmes à l'intérieur. Enfin, non, ils n'étaient pas à l'intérieur du mouvement libertaire, parce qu'ils n'étaient pas, ils aimaient. Officiellement, ils n'y étaient pas. Et elle s'est investie dans le mouvement. Bon, elle faisait du théâtre, elle fréquentait tous les milieux espagnols, mais elle s'est investie notamment dans le CIRA, quoi. Parce qu'elle était passionnée d'archives, et pendant des années, elle a été jusqu'à être, alors on ne disait pas présidente du CIRA, elle était coordinatrice. Donc elle a fait cette petite brochure qui a été publiée aux éditions libertaires et puis il y a eu plusieurs éditions. Il y a une version espagnole, c'était compliqué. La traduction. Elle a cherché Marie-Montre ? On n'a pas trop cherché où elle est parce que les brochures, c'est compliqué. Moi, je l'ai à la maison. Et après, moi, j'ai eu Sarah Berenguer, elle était militante, elle était adhérente du CIRA aussi. Moi, je ne l'ai pas rencontrée personnellement. Rosa, que tu cites, c'était la compagne. Elle avait sa personnalité, mais son compagnon était aussi un militant, Étienne Guillemot, sur Toulouse. Là, donc, on a eu la chance de la rencontrer aussi. Elle nous a donné une partie des archives de son compagnon, Étienne. Et puis, bon, c'est tout des femmes avec des histoires formidables. Et donc, je vous ai un dernier témoignage. Alors, elle était beaucoup plus jeune. Elle avait 5 ans quand elle a passé la frontière avec ses parents. Mais elle a tous ses souvenirs. Elle raconte ça. Donc, il y a une patte. Ça ressemblerait un peu à ce qu'ils ont lu à Lydie Salver, Pas pleurer, mais sauf qu'elle l'a écrit avant. Et alors, je sais pas, alors on ne peut pas dire que Lydie Salver a pompé sur elle, parce que chacun l'a écrit de son côté. Mais c'est très très émouvant, parce que c'est comment. Enfin, l'histoire n'a pas changé, hein, c'est comment on accueille les réfugiés dans notre beau pays. Mal, c'est gentil, comme pire que mal, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de se dire que quand même, à un moment donné, un pays qui va rentrer en guerre quelques mois plus tard, en fait, est capable d'accueillir, enfin, capable, le fait mal, mais en tout cas, peut voir arriver sur son territoire 500 000 personnes, en fait, alors qu'on est en train de gueuler, parce qu'il y a quelques milliers de réfugiés qui veulent... Bref, la mise en perspective, elle est un peu nécessaire, quand même. Ouais. Qui est 47 000 Ah, ça. Donc, bon, ne partez pas comme ça, parce qu'on peut, continuer la discussion autour d'un verre qui va se passer dans la salle à côté. Puis, si vous voulez déjà discuter avec Maëlle autour de son livre, donc elle a quelques exemplaires de son livre. Nous, on vous propose le témoignage de la CNR. Et puis ça, c'est, tu l'as évoqué tout à l'heure, on en a quelques-uns, c'est l'histoire du consul du Mexique. Et ça, c'est vraiment un mec formidable, tout ce qu'il a fait pour les réfugiés. Pas que les Espagnols, mais surtout les Espagnols. Il a distribué des milliers de visas de gens qui étaient coincés à Marseille et qui ont pu partir au Mexique. Et d'ailleurs, quand son histoire est... À la fin, il a été quand le Mexique est rentré en guerre avec l'Allemagne, il a été prisonnier. Il a pu rentrer au Mexique avec un échange. Quand il est rentré au Mexique, il a été accueilli. Il est descendu du train. Il y avait tous les réfugiés espagnols sur le quai qui l'ont accueilli avec des bravos. Un type formidable. Alors, c'était un démocrate, hein, mais dans son enfance, apparemment, il fréquentait les magonistes, qui étaient des anarchistes. Voilà. Alors, merci, Maël, d'être venu. Merci pour votre attention. Merci d'être venu. Si nombreux, c'est vrai que c'est un sujet qui... Il y a beaucoup de gens parmi nous qui ont un parent, un grand-père ou des amis qui sont concernés par cette histoire. Et puis surtout d'avoir fait le focus, je ne sais pas comment dire, coup de projecteur sur les femmes, parce que là, ça mérite la peine. Bravo.